Mont-Denis? Bah! Un kilomètre heure, là. Kilomètre heure. Y a-t-il quelque chose de plus sexiste que ce show-là? Ah, c'était sexiste, ça. Ça joue à Brise 2 présentement. Écoute ça, les textes, c'est épouvantable. Je sais pas si j'ai pris. Ça déborde de sexisme. Michel Barrette, vrai modèle de masculinité. Clairement. C'était loadé, man. Il y avait le parking de plein. Il prenait des parkings d'en face dans un genre terrain industriel. Il prenait des parkings d'en face? Ah oh, ouais. Il se parkait d'en face. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 26 de La Jazette, propulsé par Young Media, édition du 28 octobre 2012. La Jazette, ce podcast de discussion sur l'actualité, la société et tout ce qui s'y rattache, de près ou de loin, ou pas. Autour de la table aujourd'hui, Jean-François Comte, accompagné de David Thibodeau. Autour de la table. Ouais, on est à l'entour de notre table ronde, mais qui est rectangulaire. On est deux autour d'une table. Ça va, Dave? Oui. Fait que épisode 26 aujourd'hui. Mais oui. On a passé le dernier milestone. Non, là, on peut plus en dire. Il n'y a rien à célébrer. Non, aujourd'hui, c'est un show régulier. On peut célébrer l'Halloween d'avance, si tu veux, mais... Non, on célèbre quelque chose de nouveau. Oui. Ben, on va en parler tout de suite. Cette semaine, on upgrade, on devient 2.0. Ouais. On... 2.0? Ça n'a aucun rapport. On a un soundboard. On a un nouveau soundboard. Sur un beau petit iPad 1, on a un soundboard qui nous permet de jouer les extraits audio des sons... des sons divers, tels notre fan club en délire qui nous appuie, qui nous attend pendant qu'on parle beaucoup. Présentement. Merci. Merci. Pas tant de... C'est trop pour nous. C'est trop. Écoute, le défi, ça va être d'utiliser cet outil-là comme du monde puis de ne pas en abuser. Oui, comme on vient de faire à l'instant même. Ouais, ça ne recommencera plus, on vous le promet. C'était juste pour vous montrer que le soundboard était là. Oui, mais on va peut-être aussi vous plugger d'autres petits sons là, ou des extraits sonores carrément. Oui, mais justement, ça va nous servir à plein de choses. Ça va nous permettre... pendant les nouvelles, justement, de faire passer des extraits audio de ce qu'on parle. Ouais. Du monde qui ont fait des conférences et tout ça. Là. On peut passer des extraits. On peut réagir. Hey, avant de commencer cette semaine, hey. On a des petits shout-out à faire. Je sais pas comment le dire en français. Un shout-out. Là. Des appels. Un petit hey! Hey, ouais! Premièrement, un petit... Ben plus français, ça, dire ouais, hey! Un petit shout-out à Pas de Problème qui nous a plugué, qui nous ont eux-mêmes fait un shout-out avec Ouais. Rétro Nouveau et Trois Bières. Ben, salut les gars. Comme j'ai dit sur Twitter, ils sont sur notre wish list d'invités. Ben oui. Vous pouvez venir nous rendre visite, faire un petit tour à Josette. Ouais, on va les contacter quand on va être moins gênés. Venez parler. Ouais. Deuxième shout-out à faire cette semaine. Oui. Il y a quelqu'un sur Twitter, Maxime Duclos, @ Sir Maximum, qui voulait qu'on fasse un shout-out à sa blonde Elphine. Bon, ben, bonjour Elphine. Salut. Merci de nous écouter. Ça a l'air qu'elle nous écoute tout le temps et qu'elle nous aime bien. Bon. Alors, elle nous a même proposé un petit sujet pour la zone tampon. On y reviendra. Restez à l'écoute. Hey, tu veux? C'est de même qu'on accroche l'auditoire. Regarde, c'est de même qu'on va vous chercher un par un. Bon. Fait que, hey, on commence ça avec les nouvelles. José. Fait que Dave, t'es prêt? Ouais. On a le soundboard en main et on commence. C'est là que ça part. Voici maintenant les nouvelles pour la semaine du 22 octobre 2012. Oh! Oh, les nouvelles! Les nouvelles. Spécial d'avoir ça dans les oreilles direct, hein? Ouais. On sait quand ça part, c'est exactement. C'est pareil comme avant, mais on fait plus de montage. ça me déstabilise. Hey, on commence par les sports. Ben oui, nous autres, on le dit à chaque fois, les sports, c'est ce qui nous intéresse le plus dans les nouvelles. Ben, c'est pas qui nous intéresse le plus, mais on aime beaucoup le sport, donc on start à l'envers. Première nouvelle concernant les sports cette semaine. On vous annonce que la Jazette Hockey, on annule tous nos podcasts pour le mois de novembre. Ben oui. On suit le calendrier de la Ligue nationale. C'est exactement ça. Fait que calendrier de la Ligue nationale qui a annulé les matchs du mois de novembre. Mais, bon, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas, là. Ça veut dire qu'ils sont annulés jusqu'à nouvel ordre, mettons. Là. Ça regarde mal, par exemple. C'est sûr. Fait que là, pas de hockey, toujours rien. C'est que tu peux te retourner vers la Russie. Ouais, la KHL. Ben oui. OK. Qu'est-ce qui se passe dans cette belle ligue-là? Hey! Ouais? Markov s'est blessé. Oh. Tu vois ça? Ouais, j'ai vu ça passer cette semaine. J'ai tellement ri quand j'ai vu ça. C'était écrit dans le ciel que Markov se blesserait parce qu'il est allé jouer dans une ligue de goons. Blessure aux côtes. Ouais, est-ce que t'as vu comment c'est arrivé? T'as-tu entendu? Moi, non, mais ben ça a l'air que c'est pas grave, par exemple. Non, mais moi, j'ai lu comment c'est arrivé et je trouve ça très drôle. Je sais pas comment le dire, mais je ris jaune un peu. Un 6 pouces? Non, Markov a voulu donner une bonne mise en échec de l'épaule, mais il a manqué son coup puis il a donné la mise en échec avec ses côtes. Ah, mais bravo. Bravo, Markov. Manque de timing, le petit Markov. Fait que, bonne nouvelle, c'est que Markov s'est pas reblessé à cheville. Mauvaise nouvelle, c'est qu'il se casse à une autre place. Il se brise à plusieurs endroits de façon... Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais dans mon cas, je serais enclin à dire bye-bye, Markov. Mais Markov, là, c'est-tu moi ou depuis une couple de temps, là, ça a l'air... C'est un genre de show plat de son histoire, là. Ben là, ça mène nulle part. Là, lui, là... Il a joué quoi? Il a joué 13 games l'année passée? Quelque chose du genre? Il a pas joué l'année passée, du tout. Non? Non. Il a joué 13 games l'autre année d'avant? Il a joué 13 games, je pense, en 2 ans dans la Ligue nationale. OK, c'est ça la statistique que j'ai. En affaire de cas, là, c'est... Mais... Ouais, c'est ça. L'année... C'est ça, il a pas joué en 2 ans parce qu'il s'est blessé 2 fois de la même façon, quasiment. Après ça, il va jouer en Russie pendant le lockout. Il dit que c'est pas s'il va revenir après... Puis il se blesse. Puis après ça, il se blesse. Puis là, Don Meehan, lui, son agent, il dit que tout est beau, tout va bien. Ouais, mais parce que... Markov n'est pas blessé et Markov reviendra jouer pour le Canadien. Je me trompe, ou Markov, c'est parce qu'il parle dans les journaux en Russie puis il pense que ça sort pas au Canada. Ben pourtant, ça a été prouvé souvent dans le passé qu'on voit tout ce qui se passe là-bas. Là. Ouais, mais justement, peut-être que lui, il est même pas au courant de ce qui se passe ici. Fait comment tu veux qu'il sache qu'ici, on sait ce qui se passe là-bas? J'ai mal à la tête. Ben, hey, dis de même, oui. Markov. On va dire oui. Markov. Ouais, Markov. Revenons chez vous. Qu'est-ce que le Canadien a comme option avec Markov? On peut-tu racheter son contrat? On peut-tu annuler son contrat? Non. Ben, à moins qu'il ne revienne pas jouer. Il y avait un contrat dans les nationales. 2 saisons. 2 saisons, hein. Ouais, enfin, même. Il n'y a pas un gros contrat. Ben, un gros contrat dans le sens qu'il est payant son contrat, mais je veux dire, pas un gros contrat, là, une longue durée de contrat. Non, s'il veut revenir jouer, tu le prends, là. Je veux dire, c'est quand même un bon joueur, mais sauf qu'après ça, tu vas-tu leur signer? Des doutes là-dessus. Ouais. Puis permets-moi d'en douter. Ben, c'est ce qu'on verra, Mario. Parlant de blessures. Blessures. Louis Leblanc s'est blessé aussi. Ouais. Ouais, cheville. Bon. Puis il y en a pour un mois de convalescence. Ok, fait que c'est une petite blessure. Petite blessure quand même. Ça gosse. Il performait quand même bien. Leblanc, ouais. Ouais. Dommage. Depuis le début de la saison des Bulldogs. C'est quand même frustrant quand ils vont se blesser chez les Bulldogs, puis en Russie, puis partout. Puis. Ouais, ben, tu sais, là, Mané, ça fait partie de la game et tout. Ouais, ben, ils ont le risque de se blesser dès qu'ils embarquent à la glace, eux autres. Je pense que dès qu'ils mettent leur patin, ils peuvent se blesser. Puis là, ils jouent pour les Bulldogs, ils jouent pour le club école du Canadien. C'est un peu normal qu'ils jouent full. Ouais, lui, il doit tout déclencher. Full dedans, ouais, c'est ça. Là. Ben, hey, restons dans le hockey. Ouais. Cette semaine, Barack Obama a déclaré, a fait un petit commentaire à Jay Leno. Oui. J'ai l'extrait audio. Par rapport au lockout. Ouais, j'ai un extrait audio de ça, on écoute ça. Fait qu'on va écouter ça. Oh, here's Mike from Los Angeles. Can you pull some strings to end the NHL lockout? You know, I do have a comment on this, and every time these things happen, I just want to remind the owners and the players, you guys make money because you got a whole bunch of fans out there who are working really hard. They buy tickets. They're watching on TV. Y'all should be able to figure this out. Okay. Get this done. Donc, en gros, ce que Obama nous dit, c'est... Il est au Jay Leno, je pense. Oui, il est au Jay Leno Show avec son gros menton. Il y a une question du public qui est venue à Jay Leno. Fait que là, il répond qu'est-ce que. Il demande qu'est-ce qu'il pense du lockout dans la Ligue nationale. C'est ça. Puis là, il dit dans le fond que ils ont des gros salaires, il y a de la grosse argent qui est en ligne de compte. Puis c'est les fans qui leur permettent d'avoir cette grosse argent. C'est vos fans qui travaillent fort, qui achètent les billets et tout le kit, là. Fait que figure it out. Trouver une solution. Puis. En vrai, c'est comment les gars. Ouais. Arrêtez de niaiser. Trouver une solution. Là. Je trouve ça bien. C'est une bonne déclaration. C'est correct. Là. C'est pas choc, mais c'est vraiment. Moi, c'est ce que je pense aussi. Là. Hey, come on, arrêtez. Là. Non, c'est correct. Que le président fasse ça. Puis là, de plus, cette façon-là, c'est clean. Il s'en est comme pas mêlé, mais il a donné son opinion sans trop. Mais j'aime ça. Sans aller loin. Puis. Non, c'est correct. Ah, Obama. On y reviendra peut-être dans la section politique à Obama. Obama. Tu sais comment notre opinion politique américaine compte présentement? Oui. Obama. Mais là, il va falloir que la Ligue nationale, Batman, puis l'association des joueurs fassent attention à ce qu'ils font parce qu'il y a eu un sondage cette semaine, un sondage CROP. Ouais. Sondé 1000 personnes au Québec. Ouais. 58% des Québécois ne s'ennuient pas du tout du hockey. Non, pas en tout. Seulement 12% ont dit que ça ennuyait beaucoup. Moi, ce que je trouve drôle, c'est ah, il y a 50% qui s'ennuient pas, puis il y en a 12 qui s'ennuient. L'autre pourcentage, il s'en fout. Il s'en sac bien grave. C'est quoi la marge là, d'erreur là-dedans? Là? C'est comme... ben, la marge d'erreur, c'est ce qui reste. Là. C'est le 30% qui reste. On a une marge d'erreur de 30% chez ouais, c'est ça. T'sais. Non, mais ça me surprend. Oui et non. Je pense que les vrais amateurs de hockey, là, les mordus, là, s'ennuient beaucoup. Ouais. Puis les amateurs qui suivent ça, mais pas plus qu'il faut. Mais toi, présentement, t'en fais-tu une dépression? Je sais que t'écoutes toutes les matchs. T'es-tu comme « Ah, l'hockey! » Ben, honnêtement, jusqu'à date, je m'en rends pas encore compte parce qu'on est en début de saison. On serait en début de saison. Ouais, là, on serait au premier mois, ça aurait commencé genre le 11 octobre. T'aurais sorti ton chandail du Canadien du placard. Là. Ouais, mon chandail du Canadien serait sur mon mur dans le salon. Tous mes trucs à l'effigie du Canadien seraient sortis. Frotter le signe, vite. Ouais, ouais, ouais. Il y a sur ma porte encore mon petit truc, là, fan à bord. Là. Ouais. Petit carré sur ma porte d'appart là, qui est marqué fan à bord. Là. Un peu les parents sont venus l'autre fois. Fan à bord. Je me rappelle même pas que c'était là. C'est comme ça. C'est là, depuis... C'est chez vous, ça? Oh, ouais. Fait que c'est comme une affaire, t'sais, parents secours, mais toi, c'est fan à bord. Ouais. Toi, s'il y a un joueur du Canadien qui est perdu, il peut venir se réfugier chez vous. Un genre de petit losange. Ouais, c'est ça. Un genre de petit losange, tu sais, comme quand tu mets dans les vides de char le bébé à bord, là. Ouais, ouais, c'est ça. Là, c'est fan à bord. Là, je sais pas pourquoi je faisais le signe de losange, genre, dans le vide, là, puis personne le voit. Ben, c'est au cas que moi, je sache pas c'est quoi un losange. Ouais, non, c'est ça. J'ai comme pris pour un cave. Merci. Ça fait plaisir. Ben moi, ça m'affecte pas encore, mais ça me manque d'écouter du hockey, point, je veux. J'ai comme pas le goût d'écouter la KHL, ni la Ligue junior majeure du Québec. Ben, de toute façon, les matchs de KHL, bon, on les pointe pas nécessairement... Ben, je sais pas. Ils ont passé du hockey récemment, genre des vieux matchs, là, genre des années 80 et tout le kit. J'ai vu du hockey bottine à un moment donné. Je sais plus, à RDS. Ben, RDS, c'est ça, ils ont passé une série de vieux matchs, genre les séries du Canada de 1900, je me souviens pas quoi, là, dans le fond. Je veux pas les dates, là, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais anyway... Ils ont passé des vieux matchs, puis c'est comme Pierre-Houd, puis voyons, l'autre, le Marc Denis. Là. Je m'allais dire Pedneau, mais heureusement, il n'est plus là. Oui, Chris, ils font la description des matchs comme, comme là, live un peu. Là. C'est comme... Fait qu'ils, OK, les autres, ils commentent live une game pré-tapée de 50 ans. Oui, c'est fou. Man. C'est malade, ça. C'est carrément. Tu sais, c'est comme, là, il parlait, puis là, oh, on se rappelle que Wayne Gretzky, puis là il y avait Wayne Gretzky. On se rappelle que Wayne Gretzky était le type de joueur à faire telle affaire, mettons. Ouais. Oh ouais, on s'en rappelle, on s'en rappelle. Mais t'écoutes RDS, il y a encore Hockey 360 qui joue. Ouais, il y a Hockey 360. De quoi qu'ils parlent, eux autres, là. Ils doivent parler des joueurs qui vont jouer à l'étranger beaucoup. Ils n'ont pas le choix. Ben écoute. Pour terminer la zone sport. Je sais pas si j'avais vraiment à mettre ça dans les sports, mais vu que tu fais des sports extrêmes, j'ai dit que c'était là. Félix Baumgartner prend sa retraite. Ouais. Il va arrêter de faire des affaires de fou. Là. Il va arrêter de sauter de l'espace. Ben, mettons que, tu sais, quand tu as sauté de la stratosphère, ton prochain step est assez haut là, pour. Ouais, là, c'est dur à battre. T'as dépassé. Là. Mais il prend sa retraite de saut, mais tu sais, le gars. C'est... Il est 39 ans, hein, comme. Mais c'est bien, quoi, c'est un gars qui fait du saut en parachute à non. La base, probablement. Ben, c'est un genre de casse-cou. Il fait plein d'affaires extrêmes, lui. Ok, ok. Je pense que là, il prend sa retraite de tout ça. Il va devenir. De toute façon, il doit avoir tellement fait d'argent que ça. Lui. Ouais, non, c'est sûr, là, mais t'arrêtes-tu vraiment de faire du saut en parachute si t'es passionné, mettons. Peut-être que pour lui, c'est pas de quoi d'extrême faire du saut en parachute. Non, ouais, plus, non, c'est rendu banal. Là. Lui, il a quand même monté dans une balloune. Là. tu prends ça avec du recul. Là, mais le gars, il a monté tout seul dans une balloune, genre, en haut de la stratosphère, puis il a dit bon, ben, je m'en vais. Wouh! Puis c'est plus en bas. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est tout un exploit. Hey! C'est ce qui fait le tour de la zone. Ben, je sais pas, t'es toujours dans les sports, toi? Ben non. Check! On pourrait parler de l'Impact. Est-ce que ça intéresserait quelqu'un? Ben, fan de soccer, manifestez-vous. On pourrait dire que ils ont fini leur saison avec une défaite. Ils ont fait... De toute façon, ils font pas une série. Ben, j'imagine. Sont-ils entrés dans la grande ligue, là, l'Impact? Là? Bon, ouais, ils sont dans la MLS. Là. Ouais, c'est pour ça qu'ils se font torcher. Puis... Bon, ça, c'est un peu normal. Là. Mais je pense qu'ils ont fini quand même haute dans les équipes canadiennes. Fait qu'ils vont pouvoir participer à un autre tournoi de la CONCACAF ou je sais pas quoi. Là. Écoute, on parle ben trop de soccer. Il faut arrêter ça de là. C'est tout ce que j'en connais. Hey, section, on va appeler ça santé et sécurité publique. Oh! Je sais pas si t'as vu cette semaine, il y a eu une... Section qui sera peut-être pas récurrente. Non, mais qui risque d'être fort intéressante cette semaine. Oui, ben oui, ben oui. Parce que j'ai quelque chose de spécial. Est-ce que t'as vu qu'il y a eu une simulation d'actes terroristes à Montréal cette semaine? Ouais. Ouais. Ouais. T'as vu ça? Ça. Ben, c'est pas pire, pareil. C'est... Ouais. Ben, je dis c'est pas pire. J'imagine que ça doit être bon. Ben, en fait, c'était pour tester comme le ce qu'on appelle le code orange dans les hôpitaux là, pour les situations extrêmes. J'ai quelqu'un de l'interne d'un hôpital qui était là pour nous parler de ça. Ouais. On fait une petite entrevue en fin de semaine. OK. Fait que, on écoute ça? Je baisse nos micros, puis on écoute ça, puis on vous revient. Good, on écoute ça. On écoute ça. José. Cette semaine, mercredi, le 24 octobre 2012, il y a eu à Montréal une simulation d'attaque terroriste pour tester le système de code orange des hôpitaux et des premiers répondants, dans le fond. Pour en parler avec moi, j'ai la chef technologue du département d'imagerie médicale de l'hôpital de Montréal pour enfants, Joanne Lécuyer, ma mère. Allô, maman. Allô, fiston. Donc, toi, t'étais là dans l'attaque terroriste qu'il y a eu, la simulation? Oui, c'est ça. J'étais dans le feu de l'action. Est-ce que c'était planifié? Est-ce que vous saviez qu'il allait avoir ça dans les hôpitaux? Bon, le 90 % des employés des hôpitaux n'étaient pas au courant qu'il y aurait ça. Il y a quand même un 10 % des gens qui étaient au courant, dont moi. J'étais au courant parce que il fallait vérifier si tout était en place, puis s'assurer qu'on ait suffisamment de gens, parce qu'on ne voulait pas nuire au bon roulement de l'hôpital. Normalement, dans un vrai code orange, une catastrophe comme celle-là, on n'aurait pas évacué l'hôpital au complet, mais les patients externes, on les aurait sortis de l'hôpital et on voulait pas se rendre jusque-là. Okay. Donc, on a dû mettre plus d'employés dans nos départements pour s'assurer qu'on continuait nos services habituels. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, dans le fond, une simulation d'attaque à la bombe dans le métro Guy Concordia, je pense? Oui, c'est ça, exactement. Alors, vers 8h30, le matin, on a entendu dans l'intercom de l'hôpital qu'il y avait un code orange niveau 2 qui était mis en place. Alors ça, ce que ça veut dire, dans un code orange, il y a trois niveaux. Il y a un niveau pré-alerte. Ça, c'est quand il y a une catastrophe externe, mais on ne sait pas s'il y a des patients qui vont nous arriver. Okay. Un code orange niveau 1, c'est quand il y a une catastrophe externe puis il y a entre 6 et 11 patients qui vont nous arriver. Okay. Et pour le niveau 2, c'est qu'il va y avoir plus de 11 patients. On ne sait donc pas, dans un niveau 2, combien exactement de patients vont nous arriver. Alors, à 8h30, l'annonce du code orange niveau 2 est faite dans l'hôpital et là, on se monopolise. Tous ceux qui sont les services d'urgence, on met en place notre plan de code orange qui est particulier pour chacun des secteurs. Là. Donc, c'est ce qui s'est passé. Qui organisait ça, cette simulation-là, dans le fond? J'ai vu qu'il y avait l'hôpital de Montréal pour enfants, l'hôpital général. Oui, c'est ça. C'est la Ville de Montréal qui a décidé, en fait, les agences de la santé ont décidé de mettre à l'épreuve leur code orange. Donc, ça part des agences de la santé de la Ville de Montréal de faire une pratique comme ça générale. Donc, les patients nous sont arrivés vraiment par ambulance et c'était pas des vrais patients. C'est évidemment une simulation, mais il y avait de vrais comédiens qui faisaient foi de patients blessés. Ouais, ouais. Donc, je pense que ces gens-là venaient de l'armée, si j'ai bien compris, là. Donc, il y avait des gens de monopoliser pour faire action comme étant des patients. Peut-être revenir un petit peu comme à moi, j'ai vécu ça. Ouais, ouais. À 8h30, le code orange est annoncé sur l'intercom et moi, je suis responsable du département d'imagerie médicale. Donc, c'est moi qui est en charge de mettre en place le plan d'urgence. Donc, à 8h30, je me suis dirigée vers l'amphithéâtre de l'hôpital pour attendre des informations. Donc, moi, je me rends à l'amphithéâtre. Moi, je suis pas disponible, évidemment, pour faire le travail autre que le mien. Là, je suis juste là pour aller prendre l'information. On me dit qu'ils viennent de recevoir une dépêche. La dernière information qu'ils ont, c'est qu'il y a une bombe qui a éclaté dans le métro Guy Concordia et qu'il y aurait 100 blessés. Okay. Alors, c'est toute l'information qu'on a. J'ai rien de plus. Alors, moi, je me dirige dans mon département pour mobiliser mes employés, des technologues en radiologie, pour prendre des radiographies, pour faire des scans et tout ça. Donc, je monopolise mes gens et on met en place notre plan de mesures d'urgence pour accueillir de nombreux patients. Donc, c'est ça. Les patients nous sont arrivés par ambulance. Vraiment, le scénario s'est joué du début à la fin. Okay. Je pense qu'il y a eu 6 ambulances de monopoliser pour l'exercice. Et les ambulanciers nous amenaient les patients. Il y avait deux hôpitaux qui étaient mis à contribution. C'était nous, l'hôpital de Montréal pour enfants et l'hôpital général de Montréal. Nous sommes tous les deux des centres de traumatologie. Mm-hmm. Il n'y a pas d'autres hôpitaux dans Montréal qui ont été touchés par l'exercice. OK. Et puis une simulation comme ça, est-ce que ça a créé une panique dans l'hôpital? Les patients qui étaient des vrais patients, est-ce qu'ils ont été retardés à cause de ça? Ça a-tu créé un bouchon à l'urgence? Ou... Il n'y a pas eu de panique parce que à peu près une demi-heure avant l'annonce du code orange, il y a des gens qui ont mis des pancartes un petit peu partout pour dire qu'il y avait une simulation qui allait se produire dans les heures qui venaient. Donc, les patients étaient avisés là, qu'il y avait une simulation qui s'en venait. Les gens ne savaient pas trop ce qui allait se passer, mais il n'y avait pas de panique. Effectivement, ça a dû créer un petit peu d'attente à l'urgence, j'en suis presque convaincue, mais tous les patients ont été soignés. Il y a même eu, à un moment donné, deux vraies ambulances qui sont arrivées avec des vrais patients. Okay. Et ces gens-là ont eu priorité, puis ont été dirigés, parce que dans un hôpital qui reçoit des patients de traumatologie, on a une salle de traumatologie dans laquelle on met nos patients, et cette salle-là était monopolisée pour l'exercice, mais il y avait eu d'aménager aussi une autre pièce pour recevoir les vrais patients. Okay, okay. Et nous, en radiologie, là, on pouvait pas confondre les patients parce que la sécurité aussi était monopolisée pour les vrais patients. Donc, s'il y avait un vrai patient qui se promenait dans l'hôpital, il était accompagné d'un agent de sécurité pour s'assurer qu'il soit bien traité et que le traitement habituel se fasse. Là. Il n'y a pas eu de problème. Mais s'il y a eu de l'attente un petit peu plus que d'habitude, c'est possible. Les gens en étaient avisés. L'exercice comme tel a duré environ 3 heures, de 8h30 et à 11h30 à peu près, on entendait à l'intercom que le code orange niveau 2 était levé. Okay. Donc, les patients étaient terminés. On a reçu en tout 44 patients blessés de cet incident-là, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients. Parce que de ces 44 patients-là, il y en avait de nombreux qui étaient des patients de traumatisme majeur, donc entre la vie et la mort et tout ça. Évidemment, je parle toujours de la simulation. Ouais, ouais. Et donc, ces patients-là, comme je disais tantôt, l'hôpital possède déjà une salle de traumatologie. Et dans les cas d'urgence comme ça, il y a un triage spécial qui se fait. Donc, les patients qui sont très critiques vont être dirigés vers la salle de traumatologie. Les autres qui sont un petit peu moins critiques, on a un secteur qui s'appelle le secteur jaune. Ces gens-là vont être dirigés vers une salle particulière parce qu'ils sont moins blessés. Donc, le secteur traumatologie des grands blessés, c'est le rouge. Le jaune, c'est les moins blessés. Et il y a une section verte, comme les lumières de circulation, tu as compris ça. Ouais, ouais. Donc, la section verte, c'est des patients aussi qui sont très légèrement blessés, mais qui ont besoin quand même d'attention. Alors, le défi dans un exercice comme celui-là, pour les gens à l'urgence, c'est de bien catégoriser les patients, mais de toujours garder en tête qu'un patient vert va peut-être dégénérer et devenir jaune et peut-être rouge par la suite, parce que là, on parle d'un traumatisme. Là. Ouais. Donc, c'était ça aussi qui se jouait, là. Nous, en radiologie, on a reçu que des patients du secteur rouge, donc on a dû se diriger parce que des radiographies simples comme une radiographie de l'abdomen ou une radiographie du poumon, nous, c'est nous les technologues en radiologie qui se déplaçons vers les patients pour les faire parce qu'ils sont entourés d'une équipe de réanimation et pour les maintenir en vie et tout ça. Et donc, on se dirige vers eux. Par contre, de ces patients-là, il y en a qui doivent avoir des CT scans. Un CT scan, tu comprendras que c'est une grosse machine et ça ne se promène pas dans l'hôpital. Donc, le patient vient vers nous à ce moment-là. Pour faire ça, durant l'exercice, on voulait pas déranger nos vrais patients. Donc, la cafétéria avait été aménagée en secteur de radiologie pour le scan. Okay. Et aussi, il y avait une section de la cafétéria qui imitait, qui faisait foi de la salle d'opération et des soins intensifs, parce qu'un patient qui est grièvement blessé va peut-être passer de la salle de trauma à la salle d'opération directement, parce que c'est une question de vie ou de mort. Fait qu'évidemment, pendant la simulation, on voulait pas encore là nuire au bon fonctionnement de la salle d'opération. Donc, les gens étaient dirigés dans la cafétéria. Okay. Alors, c'est ce qui faisait un petit peu notre simulation qui était pas tout à fait réel, mais quand même qui imitait bien la réalité là, d'un événement comme celui-là. Puis les acteurs qui étaient les blessés, les personnes, est-ce qu'ils jouaient leur rôle 100%? Ils étaient maquillés? Il y avait des fausses blessures? Comment ça fonctionnait pour ça? Effectivement, c'était impressionnant de voir ces jeunes de l'armée, que je pense que c'est des gens de l'armée, c'est pas ouais, des c'est ça que je pense. Mais là-dedans, il y a des gens qui méritaient vraiment des Oscars parce que ils ont très, très bien joué leur rôle. Ils étaient effectivement maquillés. Il y avait des blessures qui étaient apparentes. Il y avait des jeunes qui étaient remplis de suie, parce qu'évidemment, c'est une explosion, donc il y a de la suie qui peut se déposer sur la peau. Mais les blessures, j'ai vu entre autres une fracture du fémur, une fracture ouverte du fémur, de la cuisse, c'était à s'y méprendre. Moi, j'en ai déjà vu des vrais. Et à regarder ça, tu regardais ça de près, et c'était à s'y méprendre. Et les jeunes, les comédiens se plaignaient comme si c'était des vraies blessures. Tout le monde était vraiment dans son rôle. Assez que moi, je me suis laissée prendre un petit peu par mes émotions à un moment donné, parce que ça avait l'air tellement vrai. Il y avait deux jeunes hommes à un moment donné qui étaient assis sur des chaises à la cafétéria qui faisaient office du scan, là. Et j'ai demandé à ma technologue qui était là pour elle, les patients qui allaient au scan, qu'est-ce qu'ils ont, ces deux jeunes hommes-là. Et elle m'a dit, c'est deux papas qui ont perdu leur enfant dans l'explosion, et là, ils sont inquiets pour leur enfant. Et vraiment, ils jouaient tellement bien leur rôle que j'ai eu comme une petite émotion là qui est montée, puis jusqu'à ce que je réalise que finalement, c'était juste un jeu, là, c'était pas vrai. Mais c'était à s'y méprendre. Vraiment, c'était une très, très belle expérience pour tout l'hôpital. Un code orange comme celui-là, on n'en a jamais vécu. Moi, ça fait 32 ans que je suis à l'hôpital, et j'ai jamais vécu un code orange comme celui-là. Il y a quelques années, si on se souvient bien des événements de Dawson, on avait été en code orange préalerte parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait à Dawson, mais on savait pas s'il y avait des victimes. Ouais, puis vous êtes juste à côté de Dawson en plus, l'hôpital de Montréal pour enfants, c'est en face, l'autre côté de la rue. Donc, je pense que le monde qui était à Dawson se sont réfugiés dans l'hôpital en plus. À ce moment-là? Exactement. Les jeunes étudiants qui sont sortis en panique du cégep se sont dirigés vers l'hôpital. Donc, on était en préalerte parce qu'il n'y avait pas de blessés. Par contre, les jeunes, il y avait certains d'entre eux qui étaient en détresse psychologique, évidemment. Là, on peut très bien le comprendre. Donc, ça avait monopolisé les gens chez nous, des travailleurs sociaux, les psychologues, les psychiatres, qui s'étaient occupés d'un bon groupe d'étudiants de Dawson. Mais nous, au niveau des soins d'urgence physique, si tu veux, on est toujours resté en préalerte. On n'est jamais allé à un niveau de code orange, niveau 1 et niveau 2. Par contre, au général, eux avaient reçu quelques blessés. Mais okay. Personne n'est venu chez nous, évidemment. Chez nous, c'est de 0 à 18 ans. Dès que les jeunes ont 18 ans, s'en vont au général. Donc, il y a cette raison-là aussi pourquoi on n'avait pas été sollicité à ce niveau-là. Mais évidemment, les jeunes avaient été pris en charge quand même s'ils avaient tous plus de 18 ans, par les psychologues et les travailleurs sociaux. Là, évidemment, on n'a pas fermé nos portes à ces gens-là. Donc, c'est ça. En 32 ans, j'ai jamais vécu une situation comme on vient de vivre mercredi. Et donc, on a pu vraiment mettre à l'épreuve nos plans, parce que ces plans-là n'avaient jamais été testés vraiment. Bien, c'est ça, j'avais demandé pour conclure. Est-ce que finalement, là, c'était pour tester le code orange, dans le fond, cette simulation-là? Est-ce que le code orange est à point pour une attaque terroriste? Non, pas tout à fait. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il faut le revoir. Notre code orange, on a pris des notes, évidemment, parce que c'est à ça que servait l'exercice. On était préparé pour un certain niveau, mais pas suffisamment préparé. Il faut revoir vraiment certains détails de notre code. On a eu un débriefing tout de suite après pour vraiment parler de ce qui a bien été et de ce qui a moins bien été. Au niveau de l'hôpital en général, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a eu certains manques de communication. Évidemment, avec un paquet de patients comme ça, c'est difficile de garder la trace de tous et chacun. Il y a eu certains problèmes de communication qui vont être ajustés. Dans mon département, moi comme tel, c'est au niveau de la quantité de technologues que j'avais prévu pour aller dans la salle de trauma. C'est là où je trouve qu'il y a eu un petit manque. Alors maintenant, dorénavant, on va prévoir plus de monde. Il y a eu des problèmes techniques là où les médecins ne nous fournissaient pas des requêtes papier, parce que lorsqu'on fait des radiographies, il faut que ça soit, pour que ça soit légal, pour qu'on puisse les faire, il faut que ça soit écrit sur des requêtes. Ça, les médecins ne prenaient pas le temps de le faire, évidemment, dans le feu de l'action. Alors là, on va avoir un système en place où nous-mêmes, on va avoir nos propres requêtes, puis on va avoir quelqu'un qui va noter, parce qu'une demande verbale d'un médecin, c'est aussi bon qu'une demande écrite. Donc, on va s'ajuster là, pour être plus efficace la prochaine fois. OK. Bon, ben, merci beaucoup. C'est très intéressant d'avoir des informations de l'interne comme ça par rapport à la simulation. Ça me fait plaisir. Merci. José. Bon. Hey, c'était bon ça. C'était le fun, hein, ça? Allô, maman. Hey, c'est comme. C'était comme une jasette dans une jasette. Ben, on est comme le Inception du podcast. Genre. On est comme mêlés déjà. juste de le dire, c'est mélange. Ouais, ben ça, tu sais. Hey, mais c'est bien. Merci, Joanne. Ouais. C'est très intéressant. Merci à ma mère d'être passée comme ça sur le podcast. Merci, maman. On reprendra ça, cette formule-là, de faire des petites entrevues ben même. C'est certain. Si on trouve des sujets, des gens qui veulent nous jaser de quelque chose que vous avez vécu, appelez-nous. On est partant. Par Skype, là, de même, tout ça. Là. Ça se fait bien. Ben oui. Hey. Hey, on passe à la section politique maintenant. Parce que je pense que c'est tout. T'avais-tu une nouvelle de santé, sécurité publique? Non, et comme je disais tantôt, je crois pas que ça va être une section récurrente. Okay. Donc, on passe à la section politique. Oui. Gérald Tremblay a déclaré qu'il ne se représenterait pas à la mairie de Montréal. Non, c'est une belle surprise. Celebrate good time, come on. Une belle grosse surprise. On s'en attendait pas du tout. Pendant ce temps-là, Gilles Vaillancourt disparaît. Attends. Ouais, t'as peur, là. Ça va prendre un son de rewind de tape. Oh. Gilles Vaillancourt a quitté, et là, je le dis en faisant un signe dans les airs de grosses guillemets. Là. On appelle ça des guillemets radiophoniques. Oui. Temporairement, fermeture de la guillemet, son poste de maire. Pour cause de maladie. Et semble-t-il que c'est pour des raisons de santé. Yeah. Fucking right. Ben c'est vrai, parce que lui, c'est le cancer de Laval. Ouais, c'est clair. Hey, présentement, sa pression artérielle doit être dans le tapis, man. Il se fait perquisitionner à Ah, oh, ça finit plus. Il y a eu une troisième perquisition. Ouais, ça ouais c'est fou. Chez eux. Ouais, ça... Fait que lui, il est en train de faire dans son froc, je pense. Ben oui. Tranquillement, pas vite, là. On a appris aussi qu'il y avait plus de 100 000 $ dans ses coffres. Non. D'entre autres, des informations qu'on a eues. On a eu des belles surprises, hein, cette semaine, quand même. Ouais, ben c'est ça. Donc, Tremblay, lui, il a dit qu'il ferait pas comme Vaillancourt. Et lui, il va rester jusqu'à la fin Tremblay de son mandat. Tremblay, le déconnecté. Ben lui, de toute façon, il sait même pas c'est qui Vaillancourt. Là. Non, il est même pas au courant de la collusion. Il sait même pas pourquoi ça existe. Bon, fait que notre joke de Gérald Tremblay qui sait rien est faite pour la semaine. Puis, ben moi, la politique, ça m'écœure tellement cette semaine que c'est tout ce que j'avais à dire. Non, mais moi non plus, j'ai pas grand-chose à la politique. Hey, politique est faite. Hey, section que une autre section qu'on n'a jamais faite, je pense, puis qui ne reviendra pas souvent, section finance. OK, bon, ben, c'est bon. Jim Flaherty, ouais. Notre ministre des Finances canadien. Ouais. J'ai même pas le goût de chialer contre lui aujourd'hui. Il y a quelque chose de fait de quelque chose de positif, pour une fois. Savais-tu que... Ce qui tape ses nerfs. Ouais, moi tout, mais là il y avait c'est un ça. Bon point. Savais-tu que les cartes cadeaux que tu peux acheter là, de montant prépayé, ouais. Il peut avoir des termes et conditions qui sont pas affichés sur la carte cadeau. Okay. Des frais de mise en service puis tout ça. Okay. Lui, il veut passer une loi pour, dans le fond, obliger les entreprises à mettre les frais d'activation sur la carte, de savoir combien ça coûte puis tout ça. Parce que aux États-Unis, une carte prépayée peut coûter jusqu'à 4,95 $ de frais. Puis des cartes, ils vendent des Mastercard aussi, tu sais, comme, mettons, un Mastercard que prépayé, tu mets là, prépayé de 500 $, mettons. Ben, on a ça ici aussi. Ouais, mais les Mastercard de Kim Kardashian auraient des frais cachés de 60 à 100 $. Attends un peu, là. Fait que pourrait que tu payes 500, là, mettons. Première chose, cartes de Kim Kardashian. À l'effigie de Kim Kardashian. Elle a une carte, tu sais quoi, c'est une Visa ou une Mastercard, mais Kim Kardashian? Oh, mais tu sais bien qu'elle aime se faire glisser des affaires comme une carte. Ouais, elle a quelques belles fentes pour la glisser. Oh! Oh! Ça me prendrait un bon son de drum, là. Ah, je l'ai pas. Je peux te faire le studio de qui rit de ta joke, si tu veux. Riez pas si fort. C'était pas si drôle que ça. Le studio, la foule est en délai. Oh, attention! Mais, tu sais, t'ajoutes une carte de 500 $, Mastercard, Kim Kardashian, en partant, qu'est-ce que tu fais là? Mais deuxièmement... Mais ça doit faire des beaux designs. Oh, peut-être, mais tu viens pour l'activer, puis tu perds 100 $ ta carte, parce que... Oh, 100 $, fait l'activation! Est-ce que ta carte est ronde? Avec de belles courbes. J'en sais trop rien. Ben, Jim Flaherty qui veut nous protéger contre les cartes cadeaux. Vas-y, mon Jim, c'est la priorité. Ouais, et protège-nous de Kim Kardashian. surtout, s'il vous plaît. Techno! Techno! La section techno. Hey, cette semaine, des grosses sorties. Ben oui. Premièrement, il y a eu un keynote de Apple. Ouais, sorti le nouveau iPad mini. Ouais, avant d'en parler, mention honorable à Louis T, l'humoriste de La Relève sur Twitter. OK. Pour son hashtag Born Again Apple. Born Again Apple? J'ai trouvé ça très bon, moi. Comme des Born Again Christian, mais c'est des fanatiques d'Apple. On en reparlera plus tard. Oui, dans notre chronique. Dans notre chronique rotative. Fait que ont sorti un petit keynote, c'était pas c'était des rien de grandiose. Ouais, non, c'est ça. Ils ont sorti l'iPad mini qui était tellement prévisible et attendu depuis l'iPad mini longtemps. Qui est en fait un iPad 2 réduit. L'iPad mini dans le fond, c'est un dual core A5 qui est une chip qu'ils ont dans des infos. Ouais, qui ont dans la justement dans l'iPad 2. Mm-hmm. C'est le même processeur là. C'est l'iPad fond, 2, c'est même pas l'écran Retina, il y a pas ça. Non, il y a pas d'écran Retina. C'est un 7.9 pouces. 1024 par 768 de résolution. Donc, c'est à peu près du 720p. C'est... Ouais, 160 pixels. OK. Fait que... Ce qui n'est pas du Full HD, mais qui est du... Ben... Non, c'est pas du Full HD. C'est du vraiment... C'est du 720p. Par 768, c'est de la haute définition 720. Là. Ouais, genre. Là. Bah, de toute façon, sur un écran de... Un écran de 7 pouces. Un écran de main. Là, la qualité doit être super belle. Anyway, ouais. Le plus petit modèle Wi-Fi 16 gig, il est 329, puis le plus gros Wi-Fi avec le réseau cellulaire, là, le 60, ouais, genre, là, le 64 gig, mettons, là, ouais. Il est 659$. Ben, juste le 16 gig, je le trouve vraiment trop cher comparé à la compétition pour ce qu'il offre. Pis... Ben, si tu compares avec, mettons, la tablette, le Nexus 7 de Google, ouais. de Google, qui est, le qui est avec compétiteur Android, direct, qui est un 7 pouces dans son cas, mais que lui, c'est du vrai 720p. Ouais. C'est une résolution HD. L'écran est un petit peu plus petit, mais plus de résolution. Il est le 16 gig, c'est le plus gros modèle qui se fait présentement dans le Nexus 7. Il est 259. Ouais. Puis ça a l'air une bonne tablette, puis c'est un quad-core. Puis j'imagine qu'il doit offrir le port USB, le port de carte SD, genre ces affaires-là. Je pense pas qu'il y a de carte SD, mais je suis pas sûr. Parce que la tablette de Windows en a une, mais on y reviendra après parce que restons dans Apple, parce qu'il y a eu d'autres annonces d'Apple. Ils ont eu aussi le nouveau iMac. Ouais, le nouveau iMac, beaucoup trop mince pour aucune raison. C'est beau. Mince comme un iPad. Ah, mais c'est iPad. Beau. C'est beau, c'est super beau, mais pourquoi hein? C'est super beau, certain, mais je vous dis. Pourquoi ça a besoin d'être mince de même? J'ai peur qu'il me semble que tu sais, il y a un coup de vent et qu'il tombe à terre. Là. Ouais, c'est ça, ça a comme pas de l'air solide. Puis... Mais il est écœurant. Avoir, mais il est super beau, mais sauf que. Avoir vraiment plein d'argent, je le voudrais. Mais... Moi, je veux savoir comment ça marche. Tout est dans la boule en arrière. Parce qu'il n'est pas plat au complet en arrière. Le truc qui tient debout, l'écran, j'ai pas vu la, est comme fait bomber une petite affaire. Ah, ils ont ramené la demi-boule. Ouais, mais pas celle de couleur qui était à la base. Là. Ouais, qui étaient les iMac, là, les vieux iMac qui tiraient à l'angle. Là. C'était beau, ça. Ouais, ouais. J'ai déjà eu un iMac de même. C'est vrai. Mm. Ils ont aussi annoncé le nouveau iPad 4. Là. Ouais, le nouveau iPad 4. Quelle claque dans la face de tout le monde qui ont acheté des iPad 3 il y a 6 mois. Ouais. C'est... Mais ça va sortir quand, ça? Ah, en même temps là, que tout, là, je pense. C'est là. C'était pas dans quelques mois. C'était en précommande. Là. OK, c'est... Quand ils font le des keynotes... Le iPad mini, il sort, puis le iPad 4 et ouais, tout? Ouais. Deux marchés différents. Ouais. Si on veut. Mais il reste que... Ouais. Ceux qui viennent d'acheter un iPad 3, là... C'est... Ben en fait, ils ont dit que... J'ai lu sur Twitter quelqu'un qui a dit que le iPad 4 roulait plus vite parce qu'il était carburé avec des larmes des utilisateurs d'iPad 3. Il s'en sert comme essence. Ça a l'air que c'est parce que l'iPad 3 vendait pas assez. Ils ont voulu sortir l'iPad 4 qui est plus rapide puis quelques fonctions de plus, là, mais... Ils vendaient pas assez, le iPad? Ben, c'est ce que j'ai lu. Je sais pas si c'est vrai, là. T'sais. Mais là, c'est quoi? Ok, t'as peu, là. Ça veut-tu dire qu'ils vont discontinuer le iPad 2 puis qu'ils vont... le nouveau iPad cheap, ça va être le ouais. iPad 3 qui s'appelle pas l'iPad 3? Je sais 3. Pas. J'imagine que s'ils sortent le 4, le... Le 2 va disparaître puis ça va être le 3 qui va prendre la place. Si 2 va disparaître, mais au moins le 3 devrait baisser de prix. Ouais, mais c'est quand même insultant. Mais ils vendent plus d'iPad 1. Ah, je sais pas. Non, je pense que tu peux juste acheter un iPad 2. Moi, c'est là-dessus que roule notre... C'est-tu que t'es dépassé. Notre soundboard. C'est pour ça qu'on a un délai d'une seconde. Ouais, t'es tellement dépassé. Moi, j'ai même pas de tablette. C'est même pas à moi. Bon. C'était à job. Ils ont oublié qu'ils me l'ont passé. Moi, j'aime bien la tablette, par exemple. Ben, t'en as une autre à côté que tu peux ouvrir, si tu veux. Mais c'est ça, je la laisse venir tablette. Oh! Il y a aussi Microsoft qui a annoncé. Cette semaine, il y a Windows 8 qui est sorti. Ouais, nouvelle version de Windows. Windows 8. Windows 8, j'ai lu des commentaires mitigés. Je sais pas comment ça a l'air. J'ai pas touché à ça du tout. Fait que je sais pas. Puis ils ont sorti aussi la Surface. La Surface. Qui, ma foi, est très intéressante. Je sais pas si tu as eu la chance de voir un peu ça. J'ai vu les pubs, un peu. Mais premièrement, celle-là a une entrée USB et une entrée de carte SD. Ben, ils essaient d'aller chercher un marché complètement... Ben ça, là... Je sais qu'ils vendent des adapteurs de carte SD pour les iPads, mettons. OK, ouais. Mais il faut encore tu payes de plus. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, puis d'ailleurs, dans, concernant le iMac, là, ouais. Ils ont enlevé le lecteur CD-DVD. Fait que si tu veux avoir des installations de logiciels qui sont sur CD, il faut que tu t'achètes un lecteur CD et USB à part. Ah, si que c'est con. Fait que t'espères que toutes tes affaires sont dans le cloud et t'as rien à prendre. Mais, ouais, moi, je trouve que c'est de forcer le monde à justement utiliser leur produit. J'ai fait une bulle. T'as fait une bulle en parlant. J'ai fait une bulle, man. Je pense que ça veut dire que ta bière est dans cette tablette. Tu peux l'ouvrir l'autre, là. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on disait, là? On parlait d'enlever le lecteur DVD. Ouais, je trouve que c'est le monde à tu forces le monde. Ben, pas juste ça. Tu forces le monde à aller vers une solution qui est. T'sais, alors qu'on n'est peut-être pas encore rendu là. Ouais, le cloud n'est pas encore à point. Tu sais, je veux dire, hein? Tout le monde n'est pas dans le cloud, puis tout le monde n'a pas disponible. Regarde, je veux dire, il y a encore des films qui se vendent en DVD et en Blu-ray. Ouais. C'est la preuve que le marché du numérique téléchargeable n'est pas encore rendu là. Est-ce que la porn numérique est en effervescence, là, en croissance? Ça, oui, ça. Faut tout le temps se baser sur la porn. La porn contrôle tout. Mais la porn, depuis l'Internet, je pense que la porn est devenue quasiment exclusive à Internet. Ah, je sais pas. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup plus de porn qui se consomme sur Internet. Ah, oh, probablement. Depuis qu'Internet existe, qu'il s'en consomme sur les médias, genre DVD, Blu-ray, whatever. Là. Mais pour les films, il y a encore des clubs vidéo. Et je veux dire, c'est la preuve qu'il y a encore plein de les monde. Les gens sont pas prêts. Hein. Ils sont pas prêts encore. C'est pas encore la majorité du monde là, qui ont des. Ben, je m'en dis, des téléphones intelligents. Tu loues. Peut-être, là. Est-ce que tu loues souvent des films sur, mettons, Vidéotron ou des trucs comme ça? La seule affaire que je loue, même pas je les loue, je les achète, c'est Walking Dead. Je les prends par mon Apple TV, là, justement. Okay, ouais. Je les achète par iTunes parce que je les veux en HD. Puis... Mais non, j'ai commencé. J'ai loué une affaire l'autre fois sur iTunes, tu peux, mais je suis pas. Il n'y a pas tout, tu n'as pas les versions françaises, c'est des versions françaises que tu veux, c'est en développement là, encore. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, je pense qu'on n'est pas rendu là, puis ça, c'est un peu de leur mettre dans la gorge. Puis là-dessus, je vais m'ouvrir une petite bière. Et on revient là-dessus aussi sur la tablette de Microsoft. T'étais-tu obligé d'ouvrir ta bière avec le micro? Mais hein, je voulais entendre le son. Ouais, ça je disais, moi, la tablette Microsoft a le port USB, a la sortie HDMI pour la télévision et a le lecteur de carte SD. Il se fait pas de modèle en bas de 32 gigs si j'ai bien vu. Ok, c'est bien. C'est bien. Ils vont jusqu'à 128 eux autres, dans ce coin-là. Là. Ok. On va aller dans le plus gros format. Là. M'a l'air fort intéressante cette tablette. Mais c'est un produit que je vais. C'est. Honnêtement, c'est probablement pas un produit vers lequel j'irai. C'est parce que là, il essaie d'intégrer Windows 8. C'est avec ça. C'est parce que le nouveau Windows 8, il y a une version qui est toute tactile. Tu peux avoir des écrans tactiles pour ton ordinateur carrément. Mais ta tablette roule probablement sur Windows 8. Sur Windows 8, c'est ça. Dans le fond, Windows 8, je pense que c'est assis sur Windows 7 un peu. Tu peux avoir une interface similaire, ouais. Mais je pense que tu peux avoir le look là, tile, là, les gros carrés. Là. Mais en tout cas... T'aimes-tu ça, toi, ça? Les gros icônes. Les gros carrés, genre. C'est intéressant parce que tu as comme un résumé de ce qui se passe dans ton application, dans ton carré. C'est comme un... Sauf que j'ai... Faudrait que je l'essaye, faudrait que je l'utilise. Moi, tout, hein, ça, je suis comme mitigé là-dessus, on dirait. Mais c'est intéressant, c'est une nouvelle approche. Tu sais, entre ça ou avoir des icônes sur un iPad, tu sais, c'est quoi la différence? Ah, non, c'est clair. Peut-être même que c'est mieux, je sais pas. J'ai pas eu non plus de Windows Phone, j'ai pas essayé ça. Ouais. Tu vois qu'ils sont tous dans la même ergonomie, mais. Ouais, non, c'est ça. C'est à considérer, mais là, je pense qu'avec le keynote d'Apple qu'on a eu, les gens qui sont magasinent une tablette, je pense que tu regardes pour une tablette bientôt, toi. Ben, je... Garochez-vous pas nécessairement sur les iPads, là. Il y a beaucoup d'affaires qui sont intéressantes, dépendamment de vos... La force d'Apple, c'est parce qu'ils ont le parc d'applications, là, qui est immense. Mais les développeurs vont se pousser sur Windows 8 puis sur d'autres choses aussi, sur Android. Là. Mais tu vois, moi, je regarde pour une tablette puis justement, la Nexus 7 m'intéresse quand même. Ça roule sur Android, ça? C'est sur Android. Puis moi, j'ai un cellulaire Android. Ma blonde a un cellulaire Android. Fait que, tu sais, je veux dire... Il y a vraiment des applications... Avec Google Drive puis toutes ces affaires-là, ben c'est comme d'aller vers Android puis avec Gmail, toutes ces affaires-là, c'est quasiment pour moi... C'est la solution la plus logique. Là. Ouais, vu que t'es pas embarqué dans la loupe puis, à Apple. Je veux pas nécessairement. Mais là, ma blonde, elle a le nouveau Galaxy S3. Là. Ouais. Mais cet immense cellulaire-là, c'est gros, man. Ouais. L'écran est tellement beau, man. C'est incroyable. Là. Tu peux écouter un film là-dessus, tu vois tellement c'est bien. C'est un écran cinéma portable. Ah, c'est incroyable. Sérieux, ça m'a vraiment impressionné. Fait que là, je me demande si la Nexus 7 vaut encore la peine. Faudrait que j'aille voir la Nexus 7 comme live, à côté du solaire à ma blonde, voir la différence de grosseur, tu sais. Je suis curieux de voir, ça doit être surprenant pour eux. Bon, mais dis, regarde, là, nous autres, on a un iPad 1 là, pour faire le soundboard. On voit rien là-dessus. Je me suis dit qu'on voyait rien sur l'iPad 1. Là. Non, non. C'est une définition de merde. Non, ouais. On y reviendra dans. Qualité de l'écran est pouf. On y reviendra tantôt. Même pas de caméra là-dessus. Non. As-tu d'autres choses dans la section techno? Ben non. Moi, j'ai une petite affaire. Vas-y donc. Cette semaine, le Future Shop de Boucherville s'est fait voler pour 50 000 $ de iPhone. OK. Il y a des voyous là, qui ont défoncé des fenêtres. Ils sont partis avec 80 iPhones. Des voyous. L'affaire là-dedans, c'est qu'ils savent peut-être pas, les voleurs, que les iPhones peuvent être bloqués à distance puis pas pouvoir s'activer. Hey, des beaux cocos, hein? C'est brillant. Bon. Fait que c'était une nouvelle très locale, mais... Fait que Boucherville, Future Shop, mettez des barreaux dans vos fenêtres, qu'est-ce que vous faites? Des prix pour l'Idizer. C'est tout pour techno. Mini entrée, côté showbiz, tout ça, télévision. Ouais. Il y a quelques épisodes, on avait parlé qu'il allait avoir un crossover dans la télévision québécoise entre Yamaska et Toute la vérité. Ok, ouais. Ce sera fait en février. Les émissions seront back à back, comme on dit. Ok, ouais. Avec des guillemets radiophoniques, encore une fois. Alicia de Yamaska sera dans un procès qui sera piloté par Brigitte de Toute la vérité. Si ça peut dire quelque chose à quelqu'un qui écoute. Je voulais juste en parler parce que je trouve ça hot d'avoir un crossover, puis je pense qu'il devrait en faire plus de ça. Crossover. Bon ben bravo. Bravo. Bonne nouvelle. Bravo Hélène Florent pour tout ça là. Pourquoi Hélène Florent? Ben, c'est Brigitte, je pense, dans Toute la vérité. Ah hein? C'est elle qui fait Brigitte dans, ouais, Toute la vérité, ok. Si je me trompe pas. Bon. C'est la seule émission que j'ai écouté 2-3 épisodes. Là. Excellent. C'est pas mauvais. Non, mais c'est sûrement pas là. Je veux dire, Yamaska, ça. Je te dirais que j'ai une autre opinion, mais. Si, c'est une série où ce que tout arrive à tout le monde. Dans la série. Humour. Ben, moi, le showbiz. Ah, ouais, ça reste dans le showbiz, mais vas-y, ouais. Je lead. Ah, ok. Vas-y, humour. Non, vas-y, t'avais d'autres affaires? Ben, j'ai une petite affaire. Ah, ok, là. J'ai viens de voir ta note. Ouais. Okay, ouais, bon, on va le garder. Mais moi, j'ai. Humour aussi. Dans le fond, moi aussi, j'ai un peu d'humour. Ok, fait, ah, ben, c'est la section humour, là. Avant d'aller dans humour, je vais choisir mon autre petite nouvelle là, de showbiz. Ouais. Je sais pas si t'as vu ça, les fans de Justin Bieber. Oh, je sais pas. Qui se rase la tête pour l'appuyer dans son combat contre le cancer. As-tu vu ça? Oui, j'ai vu ça. As-tu vu sa belle tête de Coned? Oui. Hey, c'est une fausse rumeur qui est partie par le site 4chan qui inclut une photo de Bieber avec une tête d'œuf, là, tu sais, ben lisse. Mais tu sais, photoshopée. Ah, oh, sûrement, là. Il n'y a pas le cancer, pour vrai, là. Puis il y a des fans qui croyaient qu'il y avait le cancer puis qui croyaient cette rumeur-là, non, mais là, cette nouvelle-là, puis ils se sont rasés la tête en guise de solidarité. Ça te surprend-tu? Après avoir vu des fans manger son vomi sur le stage? Tabarnak, il n'y avait même pas le cancer, man. Puis tu te rases les cheveux pour le soutenir dans son combat. C'est comme... Là, quand t'apprends qu'il n'y a pas le cancer, là, t'es la risée de l'école, là, c'est sûr. Ah, oh ben là, faut que tu changes ton histoire. Ah, ma cousine, là, leucémie, quelque chose. Là. Moi, je suis pour Caillou, là. Ah, c'est vrai, on avait appris quand 3 bières sont venues avec Pierre-Luc que Caillou n'a pas la leucémie. Non, Caillou n'a c'est pas. C'est juste un enfant chaud. Caillou est un enfant en santé. Ok. Qui n'a pas beaucoup de pilosité. Non, c'est ça, là. Hey, on est dans showbiz, tout ça, humour. Mm-hmm. Là, on avait eu Laurent Paquin et la matricule 728, vidéo qui a été retirée. Ouais. Après ça, on a eu. C'était quoi déjà l'autre cas qu'on a eu comme ça? De. Ah, oh, okay, l'affaire qui a été retirée. Rachid Badouri qui Laurent faisait. Paquin, puis Rachid qui faisait l'affaire de Gangman Star. Ouais. Bon, là, cette semaine, on a le cas Guillaume Wagner et Marie-Hélène Thibert. Calisse. Ouais. Sérieusement, là. Hey, avec toutes les déclarations des maires, Montréal, Laval, la politique, ça vous tente pas, le monde, de vous offusquer pour quelque chose qui vaut à peine? Mais là, toi, tu parles de quoi, là? Je parle de la polémique qu'il y a eu de Guillaume Wagner, okay, qui faisait... Mais là, Guillaume Wagner faisait un gag sur Marilyn Thibault. Un gag dans son ouverture de son spectacle qui dit « Je vais faire un gag pour faire free les matantes parce que c'est un spectacle hard, c'est pas pour les matantes. » Puis OK, mais c'est ça. Mais juste pour récapituler, là, ouais, c'est qu'il y a eu du monde qui ont chialé. C'est venu aux oreilles de Marie-Hélène Thibert. Elle a fait un message sur son Facebook. Ouais. Elle a marqué que c'était l'intimidation, blablabla. Pas longtemps après, genre une couple d'heures, là, je pense, là, mm-hmm, elle avait déjà marqué un message que tout était beau, que genre c'était réglé, puis tout le kit. Ah ouais, ça c'est pas sorti vraiment dans les médias, ça a pas été. Puis qu'elle avait parlé avec Guillaume Wagner, puis que tout était arrangé. Ouais. Là, Guillaume Wagner, lui, a posté un message sur son Facebook. T'as-tu vu? Ouais, ça je l'ai lu. Bon, là il dit, il explique le gag exactement c'était quoi, puis il explique que ça a été pris hors contexte complètement à cause de, encore des médias qui prennent juste de la partie qui les intéresse, puis qui ben, c'est ça. Start une polémique. Ben, j'ai tellement hâte que nous autres on soit cités hors contexte. Là. On pourrait être cité hors contexte là, à peu près aux 10 secondes. Là, sérieux. Là. Le problème est qu'on peut citer ce qu'on vient de dire hors contexte. Là. Ouais. Malaise. Fait que moi, il y a des crises qui s'étaient passées dans le fond, le pourquoi, puis qu'il voulait pas la blesser, puis c'était quoi le but de son gag. C'est ça, puis que c'était pas de l'intimidation. Puis là, tollé, brouhaha. Tous ces termes, puis le monde qui chiale sur les réseaux sociaux, grosse polémique, Mike Ward s'en mêle. Là, t'as-tu vu la vidéo de Mike Ward? Ouais, est-ce qu'il l'a retiré pour vrai son vidéo? Parce qu'il a marqué sur Twitter. Il a marqué sur Twitter, je le retire pour faire comme tout le monde fait, mais je suis pas sûr qu'il l'a retiré pour vrai. Ok, mais sérieusement, là, j'espère qu'il l'a pas retiré parce que, en même temps, son vidéo était incroyable. Mais Mike Ward, il est bon. Vidéo-là est incroyable. Mike Ward est bon pour se mêler des cas des humoristes, mais dans lesquels il est comme pas concerné. Pas impliqué, ouais, c'est ça. Il est dans les bons pour faire. Lui et Laurent Paquin, c'est deux bons pour faire des vidéos sur YouTube. Mais c'était vraiment c'était bon. C'était délicieux là. Son vidéo. C'était là. Merveilleux. Juste en partant, entrée de jeu, il dit qu'il savait pas que Guillaume Wagner et Marilyn Tiber étaient ensemble en couple. Là. J'ai fait comme, ok, waouh, c'est incroyable ça là. Ouais, ben ça c'était excellent. Puis il y a un gars qui a fait un vidéo sur, aussi sur YouTube cette semaine, que justement de Pierre-Luc et Trois-Bières, j'ai vu qu'il a posté. Comment okay. Un gars qui insulte 10 célébrités en une minute. Allez voir ça. Je l'ai pas vu, ça. Comme, Guillaume Wagner, t'es maigre. Ah, t'as pas des beaux cheveux. Quelle insulte. Elle a style genre un peu... genre, t'as moi Jobin, là, je te dis. Aïe, aïe. Mais c'est comme risible pour dire à quel point que l'intimidation a le dos large, là, à cette heure. Ouais. On peut s'arrêter de le dire, l'intimidation, pour tout puis pour rien, aussi. Oh, là. L'intimidation, on peut s'arrêter de s'offusquer pour les affaires du mot. Arrêtez, premièrement, de citer les humoristes hors contexte, là, ouais. Pour faire des scandales, puis tout ça, là, puis... Je sais pas, là. Il me semble qu'il y a d'autres affaires à s'indigner présentement. T'essaies de me faire l'intimidation, là. Ouais, hein? Je te regarde, là, puis... Intimide-moi pas. Tu m'intimides? OK, on va dire que c'est tout pour... c'est même un mot, je me sens intimidé. Ben non, humour. Ah, t'as d'autres choses, ben vas-y. Ouais. Jean-François Mercier. Oui, ah! Je pense que tu t'en vas. j'ai vu ça quand j'attendais pour payer mon épicerie cette semaine. Ben, j'aimerais vous dire que Jean-François Mercier est présentement en couple avec une fille d'occupation double. On fait du patinage. Ben oui. Elle s'appelle Claudia. Ouais. OK. T'es doux. Moi, j'ai vu ça sur le... Elle a participé dans une version d'occupation double il y a quelques instants. Là. Ben, je sais pas si c'était quand. Là. Je sais pas si c'était cette année, l'année passée, ou là, 3 ans. Ou, Et ça, c'est assez ça... pour faire le front du séjour ou du éco-vedette ou d'un magazine quelconque. Là. Tout à fait. Le Star System. Ah, ben c'est ça. J'ai vu. J'étais à l'épicerie, j'ai regardé, il y avait des gommes, des tic-tacs, puis le Star System à côté. Là, ben, je sais pas si c'était dans le Star System, mais c'est sûr que ça devait être, ben, ça devait être dans beaucoup de revues à potins. Là. Hey, c'est... J'espère qu'on n'aura pas d'autres nouvelles de même, de patinage, de couple. De... Ben oui, quand même, on entretient notre auditoire féminin. Ouais, mais ça, on a. Belle joke pas sexiste pendant tout. On a appris cette semaine qu'on avait des filles qui nous écoutaient. Okay. Ben oui. On est surpris. T'aurais pu arrêter, t'aurais pu juste couper ta phrase. On a appris aujourd'hui, cette semaine, qu'il y avait des gens qui nous écoutaient. On était surpris. Oui, effectivement. Hey, merci de nous écouter. Merci, hey, on jase. Section voyage. Ouais. Montréal a été classé par le Lonely Planet dans Best in Travel 2013. Hmm. On est 8e. Ça. 8e ville mondiale à visiter pour l'année 2013. On est juste... Surprenant. Juste avant Addis Ababa. Ça, c'est où? C'est la métropolis éthiopienne. Fait que c'est genre de métropolis en Éthiopie. Fait que c'est genre le Superman éthiopien, il est là, tu sais. Parce que c'est métropolis. En tout cas. J'étais comme... Ouais... Ben, j'en parlerai pas longtemps. Les top 3... Ah, pense-en pas trop longtemps. Hyderabad, Old City, Recapturing Past Glory. Je sais même pas si c'est où, Hyderabad. Amsterdam, numéro 2, et San Francisco, numéro 1. Comment on dit bonjour à San Francisco? Beyrouth! J'ai jamais compris ce joke, là. Si quelqu'un l'a compris, s'il vous plaît, nous contacter ouais. @lajazette. Veuillez venir nous l'expliquer. C'est tout pour voyage. Ce film-là est meilleur en français qu'en anglais. Ouais. Il y a plus de jokes. Mais c'est tout pour voyage. T'avais-tu quelque chose en voyage, cette semaine? Non. Fait que Montréal est à visiter, ça a l'air. Même si on tombe en ruine et qu'il y a des nids de poules partout. Peut-être qu'ils viennent nous visiter pour nos nids de poules. Ouais, c'est un attrait touristique. Alors, regardez-moi ça, la grosseur du trou. Alors ici, nous avons des cônes. À quoi servent les cônes? Alors, les cônes servent à protéger le nid de poule ici présent. Nid de poule qui est un phénomène au Québec très remarqué en la période de dégel. On associe ça au... Et à Montréal, remarqué en tout temps. Bon, c'est associé aux poules urbaines, comme on sait. Oh, oui. As-tu d'autres nouvelles? Qu'est-ce que t'as fait de ma voix? Ou... Ça a comme bloqué. Okay. Il ouais, y a comme eu un blocage dans la voix. Là. As-tu eu d'autres nouvelles? J'en ai une dernière, moi. Ah, oh, tu le teases. Le mois de novembre arrive et qui dit mois de novembre dit Movember. Le Movember. Est-ce que tu fais le Movember cette année? Je ne penserais pas. J'ai pas la barbe très très forte. J'ai pas la moustache. Puis j'ai la barbe comme châtain. Fait que vu que j'ai pas la barbe forte pis qu'elle est pâle... Ah, les excuses, là. Non, mais c'est vrai, j'ai pas la barbe forte pis elle est pâle, fait que si je me laisse pousser une moustache, ça va avoir l'air genre d'une petite moustache de duvet, quasiment. Moi non plus, je le ferais pas. Fait que, ben, je le ferais peut-être un moment donné, mais il faudrait que je le fasse pour la bonne raison. Pas le faire pour rien, juste parce que pour moi, le faire, il faudrait vraiment que je ramasse des fonds, parce qu'il y a du monde qui le font... Ben, on pourrait le faire, on pourrait dire... Il y a du monde qui le font pis qui ramasse pas de fonds, pis c'est ça, vraiment tatale. Ça, c'est absolument rien, là. C'est vraiment à câble. Fais le Movember, fais-les pour de vrai. Là. Fais-les pour que ça en vaille la peine. Puis je me dis, ben tiens, on pourrait le faire. S'il y a des gens qui veulent qu'on le fasse et qui sont prêts à nous faire des dons, là, on pourrait se partir un genre Movember la journée. Moi, je m'en ai dit, je le ferais pas parce que contrairement à toi, j'ai le poil vraiment foncé et très, très charnu. Fait que moi, après une semaine, j'aurais une moustache à la Tom Selleck. Fait que... Non, mais on aurait des moustaches incroyables. Ça me tente-tu d'avoir une moustache pendant un mois, après trois jours? Une belle moustache épaisse. Puis on pourrait définir des styles. Moi, probablement que le meilleur style, ce serait genre look latino. Là, petite moustache la molle. Petite moustache juste dans le bas. Ouais, juste dans le bas. Puis toi, ça serait la grosse moustache, mais tu sais. Carré. Tu sais, ta coupe square d'un rôle, tu sais, comme Jameson là, dans Spider-Man un peu. Là. Ouais, ou un peu comme dans Anchorman. Là. Ouais. Milk was a bad choice. Milk was a bad. C'est qui est beau, man. Ouais, mais c'est ça. Fait que si ça vous tente de faire le Movember, allez voir sur Internet. Je pense qu'il y a des façons de ramasser des dons pour ça ou de donner. J'ai vu ça l'autre fois sur Twitter. Quelqu'un qui disait qu'il avait entendu quelqu'un demander c'est quand le Movember. Calice. Ben non, mais c'est ça. Là. Moi. Fait que, de toute façon, je pense qu'on a déjà parlé dans un épisode avant ça. La meilleure façon de prévenir le cancer. Cancer des testicules. Tout la ça, prostate. La prostate, c'est la masturbation. Fait que moi, pour promouvoir le Movember, je vais me masturber régulièrement pendant un mois. Mesdames et messieurs, ça fait le tour des nouvelles. Masturbez-vous. Cette semaine, pour la chronique rotative, on a choisi d'essayer la chronique socio-pop culture, une idée qu'on avait eue, qu'on n'a pas essayé encore. On se lance. C'est quoi ça, JF, la socio-pop culture? La chronique socio-pop culture, c'est une chronique dans laquelle on va se pencher philosophiquement sur des phénomènes de société, trucs comme ça. T'as dit un mot que je connais pas, là. Lequel? Philosophiquement. Ah, je pensais que c'était penché, t'avais pas compris. Philosophiquement, c'est comme... Mais je sais ce que tu veux dire, mais on va faire ça. Ouais, mais cette semaine, à cause des sorties de Apple et du Keynote et de tout ce qui est arrivé côté électronique, on a décidé de s'attaquer au phénomène du fanboy. OK, mais attends un peu, là. La sociopop culture, ça peut être quoi, là? Ça peut être n'importe quoi. On peut dire... la déprime que l'automne amène dans la société, le manque de lumière, n'importe quoi. Okay, sociaux. Sociaux. Sociaux, c'est social. Fait que, donc, tout c'est ce la qui société. Est social, ouais. Pop, c'est que... Pop, c'est... Culturel. Ben, populaire, mettons. T'sais. Populaire, ouais. Puis ben, culture, ça, c'est culturel. On se trompe pas. Culture, t'sais. OK, ça, la culture, c'est pas un champ, mettons, là. Non, ben... Pas le blé, là. Je pense pas, non. OK. Fait que, ouais, là, OK... Là, on n'est pas dans la chronique « Les gens ». Fait qu'on n'est pas là pour chialer sur les gens qui sont des fanboys. On est là pour parler du phénomène du fanboy. Mais on va avoir du chialage un peu. Ah, peut-être qu'on va se laisser... Ça va peut-être nous échapper un peu. Là, ça va peut-être être « Les gens ». On le renommera après, c'est ça, mais moi, c'est pas ça. Mais je pense pas qu'on pourrait faire un « Les gens » sur ça. Là. Non, c'est ça. Mais là, OK. Ça se résume assez rapidement. Là. Commençons tout de go. Bon. Qu'est-ce qu'un fanboy? Moi, là, j'ai un beau petit terme, le fanboyisme. Ouais, le fanboyisme. Le fanboyisme. Tu sais, là, ça, c'est les gens, dans le fond, qui sont fanboys d'un produit ou d'une marque, là. Comme, par exemple, les gens qui sont fanboys de Apple. Généralement parlant, tout ce que Apple fait, c'est Dieu. Ben c'est ça, justement. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est un enthousiaste d'une marque ou d'un fan d'une marque ou un fanboy, justement? La ligne s'arrête où? Je pense qu'un enthousiaste, c'est une personne qui est capable de voir les qualités puis les bonnes choses, mais également de rester un peu... pas neutre, mais avoir un recul un peu sur avoir un recul quand même sur le produit ou la marque, justement pour dire, bon, ben, OK, je veux dire, j'adore, mettons, là, on y va avec le iPad, exemple. J'adore le nouveau iPad mini, mais j'ai un iPad 3 Retina Display, puis je veux dire, j'ai pas nécessairement besoin d'un iPad mini. Tu sais, je veux dire... C'est comme moi, j'ai un iPhone 4, puis un iPad 1, là, on s'entend que pour plusieurs, je pourrais être considéré comme excessivement dépassé. T'es complètement genre outdated, toi, là. Puis moi, mon iPad 1 puis mon iPhone 4 me satisfont amplement. Bon, fait que toi, t'es un Apple enthusiaste. J'adore les produits Apple. Je trouve ça slick. Je trouve ça va bien. Tu te casses pas la tête. Mais c'est cher. Puis la quantité qu'ils sortent, dans le laps de temps dans lequel ils sortent, puis les upgrades qu'ils font entre les versions, c'est pas assez pour me pitcher dans les murs. Là. C'est ça. T'as pas besoin d'acheter le nouveau... Je regarde la tablette Nexus, puis je regarde la tablette de Microsoft à la Surface, puis c'est tous des produits super intéressants. T'as un œil ouvert sur le reste. Là. Ouais, c'est ça. T'es pas fermé à tous les autres produits, des autres marques, puis des autres compagnies. Là. Non, c'est ça. Bon, fait que c'est un peu ça, dans le fond. Un fanboy, c'est quelqu'un... Bon, on peut prendre l'exemple de Apple. Apple, il y a beaucoup de fanboys. Il y a des gens que dès qu'un nouveau produit... Hey, que les gens suivent une conférence de presse sur Internet de façon genre assidue. Sérieux, c'est capoté. Là. Ben, c'est quand même intéressant. Il y en a une couple de keynote d'Apple que j'ai écouté dans mes oreilles pendant que je travaillais, moi. Ouais, non, mais je dis pas que c'est pas intéressant. Mais est-ce que tu suis tout le temps pas, ça? Ben non, ça n'est pas une messe. Je suis pas avec une page refresh chaque 15 secondes pour voir les nouvelles features d'iMovie. Moi, quand je vois des affaires souvent de même, je vais sur des sites où ce qui en parle, en gros, ils sortent les grandes lignes, mettons. Là, comme genre les Gizmodo, Gadget, ces signes-là. Tu vas sur ces sites-là, ils vont avoir souvent même une question, pas une question, mais une section qui va être qui va relater toutes les grandes lignes du keynote de tel produit, whatever, là. Fanboy peut également être un fanboy d'un console vidéo. Ouais, mais qui est une marque. Il y a des fanboys de Sony, PlayStation. Ben, c'est les deux places qu'on va retrouver le plus de fanboys, c'est dans l'électronique, dans les cellulaires un peu, puis dans les consoles de jeux vidéo. T'as des fanboys de PlayStation, t'as des fanboys de Nintendo, t'as des fanboys de Xbox. Ça date de longtemps. Je sais pas si tu te rappelles quand t'étais au primaire, là, mais si t'avais un Super Nintendo, t'étais pas dans la même gang que ceux qui avaient un Genesis. Là. Ben, moi, j'avais les deux. Ah, c'était chanceux. Fait que je me moi, suis... Undercover, on s'est changé notre Super Nintendo. Moi, j'ai eu le Super Nintendo, puis mes parents me l'ont acheté. Puis après ça, ben, je me suis acheté moi-même le Genesis parce que mes parents trouvaient que ça valait pas la peine d'avoir une console qui était l'équivalent, mais qui offrait juste des jeux un peu différents. Là, ouais. Comme Sonic, puis toutes ces affaires-là. Fait que moi, j'ai eu les deux. J'ai jamais été vraiment fanboy. J'étais un fan de PlayStation. Toi, pour la raison que t'aimes mieux la manette de PlayStation, je pense. En fait, il y a deux choses. Il y a différentes raisons qui font que j'aime mieux PlayStation que Xbox. Premièrement, comme tu dis, la manette de Xbox, je suis pas capable. Les deux joysticks qui sont comme pas placés un à côté de l'autre, je trouve ça complètement non naturel. C'est une question d'habitude. Là. Par contre, je trouve que Sony vraiment répond pas à plusieurs plaintes par rapport à la manette. Puis la preuve que je suis pas un fanboy, c'est que Chris, leur hostie de manette là, à Sony, là, elle se tient bien. Elle n'est pas trop grosse. Puis j'ai des grandes mains quand même, des grosses mains. Elle n'est pas trop grosse, elle se tient juste bien. Je trouve que les boutons sont faciles d'accès. Mais les hosties de joystick avec les qui sont concaves au lieu d'être... Les triggers en arrière, là, les L2. Puis ben ça aussi, les L2 et tout ça, mais les joysticks carrément qui sont arrondis à la place d'être creux un peu comme Xbox, qui t'empêchent de glisser. Hey man, allumez là un moment donné là, sérieux, c'est ridicule là. Ça prend des boutons qui sont courbés vers l'intérieur plutôt que l'extérieur en arrondi, ça va pas bien là, je veux dire ça glisse puis c'est mais logique, sinon là. Sinon j'aime mieux la manette en général, mais pourquoi j'aime mieux Sony, c'est principalement par rapport aux jeux. Les jeux sur Xbox m'ont jamais vraiment rejoint. Je suis pas très fan des Halo et des affaires-là. Le seul jeu qui m'aurait vraiment intéressé, qui n'est pas disponible, mettons, sur les deux consoles, c'est genre, mettons, Gears of War, des affaires. Ouais, mais là, t'es un peu dépassé. Gears of War, si tu joues là au 1, mettons. Non, c'est ça, tu sais. Mais c'est pour ça que je ne m'en suis pas procuré, parce que je veux dire, je me procurais pas une console pour un jeu. Quel bon jeu, pareil, là, Gears of War. Mais il y a d'excellents jeux sur Xbox que je ne peux pas me permettre de jouer, mais en général... La plupart des jeux vont sortir partout. Là. C'est ça, les jeux sont disponibles, c'est deux consoles, Xbox et PlayStation, et les jeux qui m'intéressent, qui sont exclusifs à une console, m'intéressent plus chez PlayStation. Ouais. J'adore les Uncharted, le nouveau qui s'en vient de Last of Us, je pense, là, qui est fait par Naughty Dog et tout. C'est en liker, hein? C'est sur l'engine de Uncharted. Les exclusifs de PlayStation m'ont toujours plus satisfait les exclusifs de Sony vont souvent être disponibles, pas de Sony, mais du Xbox, vont être disponibles sur Steam ou sur d'autres plateformes, aussi. Sur le PC. Ou... Je suis pas un gros gamer d'ordinateur, mais il y a une couple de jeux que je me suis procuré. Est-ce que on se pose la question comme ça, on en jase. Est-ce que le fanboyisme est une maladie mentale? Est-ce que c'est une maladie mentale? Moi, là, je te jure, j'ai vu quelqu'un à mon bureau qui avait un iPad 2. Mais pas à quel niveau, là? Non, mais regarde ça, là, OK? Le gars, il a eu toutes les versions d'iPhone puis toutes les versions d'iPad. Puis là, quand ils ont sorti l'iPad 3, lui, il avait un iPad 2. Ouais. La journée que c'est sorti, il a appelé partout. Il a fini par appeler à un Future Shop qui ont dit « Il nous en reste 2-3. » Il a comme garroché son combiné de téléphone puis il est parti en courant, le gars. Il est parti en courant. Il était à ses heures de job, il est parti en courant pour aller s'acheter un iPad 3 quand il y avait un 2. OK, fait que lui, il a manqué de la job. Ah, oh, mais l'iPhone 5, il avait un 4S. Il a perdu 5 heures dans une journée avec le boss et un autre gars en revenant aller dîner pour aller se pogner un iPhone et toutes sortes d'affaires. Là. Mais pourquoi 5 heures? Il a été à attendre en ligne le matin. Puis après ça, il est retourné. Puis c'était long. Puis en tout cas. Il cherchait, quoi. Ben, il en voulait un, absolument. Parce que, ben oui, à une certaine limite, je pense que rendu ça là, peut c'est... être un problème un peu psychologique. Là, sans pousser le bouchon trop loin, dans le sens que. C'est pas. T'as pas besoin de consulter pour ça, je veux dire, mais c'est parce que là. T'as pas besoin de consulter. Ben, il y a probablement des niveaux où tu as besoin de consulter. Ah, ben oui. Là, mais... Ça, je suis pas mal sûr. Le mais ça, c'est autre chose. Le, c'est le, comme... le consumerism, là. C'est comme être accro à quelque chose. Comme le monde qui meurt en jouant des jeux vidéo, là. Ouais, parce qu'ils ont joué genre 80 heures en ligne à Warcraft. Trop longtemps, puis ils ont oublié de manger puis de boire. Là. Ça serait du fanboyisme de jeu. Là. Mais en tout cas, une autre question de même. Est-ce que les fanboys nuisent à la qualité des produits en se garochant puis en achetant tout? Ben, dans parce un que là, sens, tu sais moi, que je dirais que oui, parce que, je veux dire, eux autres, là, tout ce que la compagnie fait, c'est bon. Ils sont bandés raides dessus. Puis même s'il y a des affaires négatives, ils les verront pas. Parce c'est que ça là, un fanboy. Si on prend, mettons, tout ce qui est négatif, là, ils voient pas ça. Ils ferment les yeux devant ouais, ça et ils disent que ça existe pas. Tout ce qui sort, c'est wow, un mythe. J'en veux. Parce ouais, que là, tu sais, je sais pas, le iPad 2, l'iPad mini, que ce soit un iPad 2 réduit, quand ils sont rendus au iPad 4, c'est quasiment un rire du monde qui comprennent pas nécessairement ce qu'ils achètent, là. Je sais pas c'est quoi la différence, honnêtement. Là, parce que là, les autres savent que ça va se vendre. Là. Va-tu être aussi... Il va-tu être assez performant? Ben, le fait qu'il est plus petit, ça, c'est quoi? C'est pas grave qu'il soit moins performant? Ben, je sais pas. Pour certains, peut-être pas. Ça rentre dans une sacoche, là. Oui, je veux bien, mais je veux dire, la performance, t'as vu quand même. Ben, c'est ça, surtout quand c'est pas sais, la grosseur quand de ton ouais, affaire mais... que tu juges ta performance. Quand tu sais que pour 2 pouces de plus, ils ont comme la performance de fou. Cette phrase-là était... C'est pas la grosseur de ton affaire qui te juge pour ta performance. Ouais, puis après ça, moi, je parle de 2 pouces, tu sais. Ça va bien. Hey, on est même pas dans la zone tampon, non, encore, non, imagine. Non. On dérape déjà. Hey, mais en tout cas, moi, je pense que aussi que ça peut nuire à... Justement, la qualité des produits d'en sortir tout le temps plus. Puis, ils les achètent, on va leur en donner. Puis... Ben ouais, c'est ça. Ah. Surtout dans ce domaine-là, le domaine de la technologie, puis de l'informatique, puis des nouvelles technologies. Puis si tu connais pas tant que ça. C'est un marché qui est tellement. Comment je pourrais dire? Il y a tellement de gens qui se garochent sur tout ce qui est nouveau produit. Là. Mais là, okay, nouvelle technologie. C'est malade, ça, cette affaire-là, j'en veux! Moi je veux dire, je regarde tous les produits à Apple, le iMac, toi, je regarde ça, je suis comme ah, c'est hot, j'aimerais ça en avoir un. Je m'appuyais pas dessus par exemple. Puis t'en as-tu? J'ai un PC que j'ai monté moi-même avec des pièces moi-même. Fait que j'ai pas le. Parce que selon tes besoins, ça te convenait. Ouais, j'aurais. Ben, je veux dire, moi je fais beaucoup de montage vidéo, puis j'aimerais bien avoir un iMac ou une tour Mac ou quelque chose de puissant Mac, parce que ça va bien Mac, mais pas moi de me payer ça. Je suis pas ouais. aveuglé par eux autres non plus, puis je suis pas... Ouais. Après, c'est sécuritique. En plus, eux autres, ils vont comme pas promouvoir ça, mais ils te rentrent dans leur écosystème, mettons, à Apple. Là. Tu rentres dans ça, tu t'ajoutes un iPhone, puis un iPad, puis un iMac, puis t'achètes des applications, tu veux pas les perdre, fait que tu restes dans leur gamme de produits. Ouais, non, c'est fait ça. C'est comme ils t'attachent, là. Ils mettent les mains liées. C'est un peu la nouvelle façon de faire la business, là. C'est comme... Je peux en dire c'est ça, trouver des façons que tu vas tellement avoir de produits dérivés qui fonctionnent sous ton format, ta console de jeu ou ton ordinateur que tu vas vouloir rester tout le temps là-dedans. Tu sais, je veux dire, c'est normal, là, dans un sens, comme tu dis, tu veux pas perdre ce que tu as déjà acheté. Hein. Moi, mec, je sais qu'un mec qui annonce une nouvelle console de Sony, le prochain PlayStation, est déjà quasiment vendu, là. Ouais, toi, t'as été un des premiers à acheter le PS3 quand il est sorti. Il coûtait 700$. Ouais, moi, j'ai acheté le PS3, il coûtait le plein prix Moi, je l'ai pas acheté parce que je pense que j'étais aux études dans ce temps-là, mais là, il en sortirait un autre. Je sais pas à quel point je résisterais longtemps. Mais je résisterais pas longtemps, puis je pense que la dernière fois, il était sorti en novembre 2006, le PlayStation 3. Je pense que je l'ai acheté en décembre. Fait que j'ai attendu un an. Un mois avant de l'acheter. Si, mettons, il sortirait un Xbox 720, genre, appelons-le de même, puis qu'il y aurait la style manette PS3, tu fais quoi? Tu restes sur PlayStation ou tu regardes les fonctionnalités, puis là, tu compares? J'attendrais, de toute façon, je voudrais voir les deux, là. Dépendamment. Parce que je suis pas vendu à PlayStation, mais si les deux sortent en même temps, c'est sûr que mon premier choix va être le PlayStation. Parce que j'ai été fan à partir du PlayStation 1, puis je l'ai même pas eu le PlayStation 1, mais j'ai tellement joué chez des amis. J'ai joué quand j'habitais dans l'Ouest beaucoup parce qu'il y avait quelqu'un qui en avait un. Puis le PlayStation 2, ça a été ma console de jeu préférée, mais aussi PlayStation 2. Quelle console? Mm. Une des consoles les plus impressionnantes, je pense, qui a existé sur le marché. Il y a des jeux qui se vendent encore, je pense. C'est la console qui a vendu le plus. Ouais. Fait que console incroyable. J'ai adoré mon PlayStation 2. On l'avait quand on était en appart ensemble. Ouais. Il a été utilisé. Il a roulé. Tabarnak. Il marche encore. Il a roulé presque 24 heures sur 24, ce PlayStation. C'était pendant tough, ce PlayStation-là. Puis c'était l'original, le premier, ouais, le carré, square, là, lettre. Là. À Star, y a-t-il vraiment quelqu'un qui a encore un PS3 original, par exemple? Tout le tien, j'imagine. J'ai encore le mien, mais il est dead. Là. Il est slim. Moi, je l'ai jeté, lui qui marchait plus. Mon j'avais l'original. J'ai encore mon FAT. Ah ouais, ok. Mon FAT que j'ai acheté au début, là, qui est un 60 gig. Ouais. Je l'ai encore. Mais là, je suis rendu avec un Slim. Puis là, ils viennent de sortir le nouveau PlayStation Slim. 3 Slim, hein, plus petit encore. Bon. Fait que c'est ça. Fait que ouais, je pense que une nouvelle console sortirait. Moi, je me pitcherais pas nécessairement dessus, mais je suis prédisposé à en acheter une. Je vais évaluer quand ça arrivera, mais ça risque d'être un PlayStation. À moins qu'il y ait vraiment de quoi qui me tape ses nerfs et qui me fasse chier vraiment là, wow, comme en partant, là. Puis que je le sache, là, mais sinon... Mais là, l'avantage que ça a, le genre, mettons, l'iPad 4 là, qui ont sorti, c'est que là, t'as plein d'iPad 3 qui vont être disponibles sur Kijiji, puis eBay, puis ces affaires-là. Oh, mais ils vont être chers. Ah, oh, probablement. Parce que ces produits-là se revendent mais le monde, très cher. Les gens là, qui sont fanboys de même, qui achètent tout à la sortie, là, mm-hmm, prennent leur argent. Ils sont riches ou... Moi, j'ai mon budget, puis je comprends pas le monde, comment ils font ça pour se payer ça. Ça pourrait faire partie de la chronique socio-pop culture, les gens qui vivent à crédit. Ah, ça peut être ça aussi. Je pourrais t'en parler, j'ai fait des petites erreurs dans le passé par rapport à ça. Puis... Ah, c'est bon, tout le monde en a fait, en a fait. Il y en a juste qui en font des plus grosses que moi. Il y en a juste qui en font des grosses. Puis moi, quand j'entends aux nouvelles, ben pas aux nouvelles, mais dans des trucs... Il y en a qui en font, puis qui s'en rendent pas compte aussi. Quand t'es rendu à comme 4-5 cartes de crédit loadées, là... Ouais, non, c'est ça, là. Je suis pas rendu à ça du tout, là. Puis des fois, je battrippe un peu, là. Puis j'imagine même pas. J'ai jamais loadé une carte de crédit. Ah. Je sais pas si t'as un autre point par rapport au fanboy, toi, mais j'ai une petite question pour terminer. Comment se protéger contre les fanboys? Ben, ce qui fait chier. Ça peut venir. C'est que les fanboys, ça crée des trolls à un moment donné. Ouais. Sur des sites, genre, mettons sur Internet, tu vas avoir des trolls des fans de Xbox qui vont venir trasher ses affaires de PlayStation, puis l'inverse, des fans de PlayStation vont venir trasher ses affaires de Xbox. Je pense que Metacritic vont. Comme les fans d'Xbox vont bâcher des jeux de PS3. Ouais, c'est ça pour baisser les notes. Dans les notes. C'est ça. Mais moi, je parlais plus, mettons, au bureau, t'as quelqu'un qui est comme un fanatique de quelque chose, puis qui t'en parle, puis qui veut te convaincre que c'est donc la meilleure affaire, puis « Oh mon Dieu, que les maps de iOS 6 sont donc incroyables en 3D! » tu sais, je peux pas commencer à dire ta gueule au bureau à du monde. Non, mais... Tu fais quoi en ce moment-là? À partir de quand, tu sais, tu pognes les nerfs, là, t'as fait comme moi, ok, non, je suis pas d'accord, mais j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans parce que ça vaut rien, tu sais. Ben, tu pognes pas les nerfs, tu... Je sais pas, mais... Ça me qu'ils sont insistants, là. Tu laisses faire, mais tu l'ignores, je sais. Moi, il y en a qui sont vraiment fatigués. Ou t'approuves. Ouais, oh, c'était clair, hein. Mais dans ta tête, tu fais, ouais, moi, t'as fait. C'est parce qu'à un moment donné, on dirait que tu vas en venir à... Non, mais c'est parce que je m'en calisse. Mais c'est parce que tu veux pas nécessairement le dire à la personne avec qui tu travailles, tu sais. Tu veux pas dire, hey, je m'en calisse. Ce que tu me dis, là, j'en ai rien à crisser. Au pire, tu te fais un système au bureau puis tu te fais regarder, là, on vit tout dans un environnement commun de travail. On va se mettre une règle, on va mettre un gong dans le bureau. Puis quand c'est trop dépassé, vous me tapez ses nerfs, on tape le gong, ça veut dire, ok, on arrête de parler. Ouais, ça, ça ferait ça, genre. Très bon, ça. Je voulais plugger le gong. Le soundboard. Le son qu'on va utiliser quand on va parler du Japon. Et Dieu sait qu'on en parle régulièrement. Ouais. Ben moi, ben ça fait le tour. Ben je pense qu'on a fait le tour du fanboy. Si vous avez des commentaires par rapport au fanboy, ouais, qu'est-ce que vous en pensez des fanboys? Auditeurs de la jazette, êtes-vous un fanboy? Êtes-vous un fanboy, ouais. De marque, de quelque chose? Ou êtes-vous victime de fanboyisme? Avez-vous subi de l'intimidation par rapport à des fanboys? Est-ce que être fanboy, c'est glamour? Oh, on a fait notre joke glamour la semaine. Check. José. On fait maintenant notre entrée dans la zone tampon cette semaine. Zone tampon jazz. C'est feutré. Ça sonne sensual. C'était feutré. Ça sonne pas genre zone tampon. Là. C'est non. Plus le genre de tune que tu mets quand tu t'en... Un bar à cigare. Là, ou ouais, chose. C'est ça. Je sais pas, c'est bizarre. Ça fitait pas finalement. Ok, t'as un peu. Zone tampon. Ah, ça a coulé. Ouais, ça absorbe, ça a pas tout absorbé. Fait que là, on absorbe tout ça. Là. Ok, on absorbe. Fait que là, faut mettre le tampon. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Une poignée de main molle. Ah, c'est pas moi. Mais là, ok, on. Poignée de main molle. Tu sais, c'est un sujet qui est déjà revenu à plusieurs reprises avec plein de monde. J'ai entendu parler des poignées de main molle. Moi, ce que je veux parler, c'est la poignée de main mal timée. Ok, la poignée quand de main. Quand tu viens pour donner une poignée de main, mais que tu refermes ta main trop vite, puis le gars ou la fille ou la personne qui te donne la main. Prends ta main par-dessus au complet, tu sais. Puis t'écrases les doigts, là. Puis là, t'as juste l'air cave. Y a-tu un code? On peut dire, excuse, on peut-tu recommencer à poignée de main? J'ai de l'air ridicule présentement. Non, une poignée de main, on dirait que c'est genre on the spot, là. Faut que tu vives le moment présent. Parce que si ça se passe pas bien, ben c'est comme un fail. J'ai eu quelqu'un cette semaine à. Fait que cette personne-là, tu vas partir avec une mauvaise opinion d'elle. Parce qu'au travail, ils viennent présenter les nouveaux employés, nous autres, dans les départements. Puis il y a une madame qui me donnait la main cette semaine, puis c'était. Pas une main molle, c'était une main morte. Une main morte, comme c'est pas comme, de vie, rien, là. Là, comme je l'ai... C'est comme, qu'est-ce que c'est ça, là? Ah, il y en a, là, c'est des... On dit une guenille, là. C'est froid, en plus. C'est comme, on dirait vraiment qu'elle est morte, ouais, là. C'est le bord de la mort, toi. Tu sais, ceux qui donnent la main, mais que ils font comme un genre de pli avec leur main, un pré-pli, pour pas que t'ailles plus loin que leur jointure, là. Ouais, ben genre, c'est ça, puis tu peux juste leur pogner le devant de la main, là, le bout des doigts, genre, là. C'est comme... Ça marche pas, là. C'est comme... C'est tu weird. Pognes rien, là. Il me semble quand tu pognes une poignée de main, là, c'est quand les pouces viennent s'accoter un dans l'autre. Puis ouais, là, tu peux pogner, genre, la main grip, au complet. Là, puis t'as une bonne grip. Puis là, tu casses la main. Ouais. Oui. C'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Tu sais bien fort. Ouais, ben c'est ça. Une bonne poignée de main. Sur Twitter, cette semaine, Jim Carrey a fait un tweet. Il dit « On vit dans un monde où la pizza arrive chez nous plus vite que la police. » C'est vrai. Il a raison. C'est désolant. C'est vrai. Ça dépend pourquoi, peut-être. Mais... Ah ben, ouais. C'est-tu le vrai compte de Jim Carrey? Ouais. Ça m'a été transmis sur par Twitter, lui. Notre transmetteur de sujet, Pat Silverwolf. Le Jim. Il y a plein d'affaires par rapport à lui cette semaine qui nous a envoyé dans notre zone de tampon. Oh! Hey, vas-y. Toi, JF, justement, on va revenir à quelque chose là, qu'on a parlé tantôt. Ouais. On a eu un sujet qui nous a été proposé par une auditrice. Oui. Ça se dit-tu, ça? Auditeur, auditrice? Oui, on va dire. Un des deux. Elfin, c'est ça? Oui. T'es-tu plus Big Mac ou Whopper? Malheureusement, je vais être obligé de dire aucun des deux. Ah, non? Mais... Parce que quand j'allais chez BK ou chez McDo, c'est jamais un Big Mac ou un Whopper que je prends, fait que je peux pas dire vraiment. D'ordre général, je vais probablement aimer plus le McDo que le BK parce que j'ai eu une écarantite aiguë de BK. Moi, là, c'est vraiment bizarre parce que j'ai... Moi, je vais dire, je suis plus Big Mac. Puis ça, c'est mon feeling présentement, parce que j'en ai mangé un récemment. OK. Puis Chris, je l'ai trouvé bon. C'est beau, hein? Puis sérieusement, là, moi, dans le temps que j'allais à l'école, je me tourne début 2000, j'allais à l'école à Montréal, puis je mangeais souvent du WK. Puis je m'étais comme... J'avais jamais comme capoté McDo, puis je m'étais comme écœuré. Fait que je mangeais du BK, moi, comme régulier, là. Puis des Whoppers, mon gars, j'en mangeais en tabarnak. Puis après ça, on a fait de la lutte longtemps, puis on était tout sur le pouce à manger au BK avant d'aller lutter. Ouais, puis honnêtement, là, moi, tout le BK, là, j'en ai fait une écœurantite, mais une écœurantite qui revient pas, là. Ouais, moi, en plus, j'ai... Puis j'ai eu une écœurantite de McDo, j'ai arrêté de manger du McDo, là, puis j'ai arrêté de manger du fast-food comme BK, McDo, ces affaires-là, là. Un moment donné, je pense, pendant... Au-dessus de genre 3-4 ans, j'en avais pas mangé. Ouais, ouais. Fait que j'ai vraiment comme réussi à mettre comme un stop là-dessus. Puis j'étais comme quasiment fier de ça. Là. Comme, les gens qui sont fiers de pas aller dans les fast-food. Ouais, pour vrai, ils te font sentir cheap parce que des fois, t'as un moment de faiblesse puis tu te prends un Big Mac. Je l'étais, mais en même temps, c'était pas forcé dans mon cas parce que j'avais pas besoin de faire rien de spécial pour pas aller à manger. J'en mais voulais t'avais pas le goût. Ça me tombait sur le cœur. Un peu comme moi, je vais jamais manger au commensal. J'ai jamais un goût de ça. Non, ben c'est ça. Il y a des places que t'as pas le goût. Mais je te dirais que depuis peut-être un an ou deux, j'ai recommencé à manger du McDo. Mais tu sais, genre, je mange du McDo peut-être 4 fois par année. Là. Ouais, dans des cas où t'as besoin de manger rapidement et t'as pas beaucoup de temps. Là. Genre, quand je. Ou genre, ah, si j'ai pogné un deal, s'il y avait genre deux. Ouais. Deux trios là, pour genre 8 piastres. Ça, ou bien, tu t'en vas faire du ski puis du snow. Ben, c'est ça. Faut là, que tu te dépêches puis t'as l'affaire. Mais ouais, c'est comprenable. Tu sais, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui mange vraiment du fast food. Je trippe pas fast food en tant que tel. Mais moi non quand plus. Quand je mange fast food, je me sens pas nécessairement top shape après. On dirait que j'ai une baisse d'énergie. Ben trop de gras puis de. C'est ça. Mais je dirais que je suis vraiment plus Big Mac parce que le Whopper, comme je disais tantôt, je me suis solidement écœuré. Asti. Ça glisse un esti de Whopper, man. Tout glisse quand tu manges ça, man. La boulette veut sortir par l'autre bord quand tu prends une bouchée, c'est man. Vrai. Il y a tellement. On dirait que le Big Mac, tu sais, il est plus épais parce qu'il est comme double. Ouais. Mais asti, il glisse moins. Il sting. Tu sais, il glisse, mais pas autant. Tu sais, le Whopper, ouais, là, c'est ouais. Comme un gros sandwich. Tu sais, un Whopper, c'est gros. Un Big Mac, c'est haut. Mm. Le Whopper, il est comme large. Puis, on dirait que quand tu le saisis dans tes mains puis tu prends ta bouchée, là. Toi, tu veux sortir par en arrière, man. La Big boulette Mac, veut sauver, man. Le Big Mac, tu peux l'écraser. La maillot, mais là. Tu peux l'écraser un peu pour qu'il se tienne mieux, qu'il rentre mieux. Le Whopper, c'est ça, comme tu dis, ça glisse quand tu pèses dessus. Ouais, c'est ça. Elle a comme trop de maillot. Ben, hein, moi aussi, je serais. Salade, là. Je serais plus Big Mac que Whopper. J'ai à peu près la même écœurantite que toi, puis c'est pas revenu. J'ai pas plus le goût d'aller manger au BK. Puis comme que j'ai pas plus le goût de tourner manger au PFK ou des places en. Non, ça. Ça, c'est une écœurantite qui me revient pas non plus. Je me rappelle la dernière fois que j'ai mangé au PFK, puis ça fait des années. Dans le temps qu'on faisait de la lutte. Ouais, je me rappelle exactement quand en plus, mais ça fait vraiment, vraiment longtemps. C'est 2001 à Robertsonville. Non, moi, c'était pas là, c'est plus tard. Ah non? Moi, c'est 2001 Robertsonville pendant un show de lutte. Ben, avant un show de lutte, on a tous été mangés au pas au BK, mais au PFK. Puis on a tout pas filé. Mais tu sais, quelle idée d'aller manger du PFK avant de lutter. Ouais, ben c'est là. Ça, mais moi, justement, c'était dans une autre fête avec un de nos chums dans le temps. Que c'était juste moi puis lui qui était allé là faire un match un contre l'autre dans le pre-show dans un genre de non c'est dans un genre de resto à la je sais pas où là, comme à Laval c'est vraiment quoi cette fête là je sais pas c'était organisé par Face of Death oh puis c'était en tout cas gros non on s'est dit hey, on a pas le goût d'être là on se donne-tu le challenge d'aller se donner mal au ventre les deux avant notre match ben ouais bravo pour avoir vraiment la cave belle idée ouais finalement c'est moi qui avais gagné bon mais je pousserais le bouchon peut-être un peu plus loin tant qu'à ça. Big Mac ou Whopper, mais tu sais, McDo justement ou BK? McDo, ouais, moi aussi. Aster, McDo. Puis comme je te dis, c'est récemment là, que j'ai recommencé à en manger. Genre, même comme si... plus régulier, je dis régulier, puis c'est pas si régulier que ça. Même mais... s'ils font plus leurs petites pizzas, là. Oh, les pizzas McDo. Dans le temps. C'était bon, ça? Moi, j'avais bien aimé ça, mais j'étais j'en ai déjà mangé, mais je me souviens pas. J'étais peut-être biaisé de mon souvenir dans le temps, là. Mais là, McDo, avec leur genre de site que tu peux poser des questions-réponses, là, puis que... Hey, man, McDo, côté publicité... Ben, grosse pub... sont solides. Ouais, grosse pub pas déguisée du tout, mais... Ben c'est solide comme publicité. Très bien déguisé en le sens que, au moins, ils répondent aux vraies questions que les gens leur posent. Fait que c'est une excellente publicité. C'est un coup de marketing de fou, man! Non, ouais. Sérieux, là, ils ont... Puis en plus, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, puis justement le web, puis le 2.0, toute la kit, là, oui, ça, là, c'est vraiment un bon coup de pub. Mais, ouais. Hey. McDo 100 000 à l'heure, puis les frais du McDo sont imbattables. Surtout quand tu les demandes pas de sel. Ben oui, parce que le truc, demandez vos frites pas de sel. Premièrement, pourquoi? Parce que sont pas salés, puis c'est... Je veux dire, sont pas salés, puis ils goûtent le sel quand même. Là. Oh ben, il y en a des crustés dans la machine. Ça a l'air qu'ils font un M, hein, quand ils font... Ouais, ils font un genre de M avec leur salière. Ouais. C'est gros, même. Oh, c'est pas mal. Tu sais, puis ils coulent le sel. Ouais, puis ça, puis l'avantage... Point, ils te font une bâche de frites neuves. T'as des frites chaudes. Fait que si vous voulez vos frites chaudes... Pis c'est même pas d'être chiant de le demander. Soyez, hein. Non, soyez la personne qui fait chier tout le monde puis qui demande les frites pas de sel. Qu'est-ce que ça va faire? Tout le monde va avoir des frites chaudes. Pourquoi chialer? Ouais, hey, c'est long. On va me détailler le truc, Alice. Ouais, il veut dire. Puis de toute façon, je pense que ça prend une ou deux minutes de faire des frites, McDo. C'est des frites blanchies. De toute façon, quand tu vas dans des restos, les frites sont souvent blanchies d'avance. Fait que tout ce qu'ils font, ils les crissent dans l'huile, ils les font dorer, puis c'est réglé, là. Fait que demandez vos frites pas de sel. Vous allez avoir des bonnes frites pas trop salées. Puis ajoutez-les votre sel au pire. Alors, McDonald's, si vous voulez commander la jasette, on va parler de vous avec un petit burger dans la bouche. Ben certain, on prendrait bien une tasse de frites. Une tasse de frites? Je sais pas pourquoi une tasse, mais ce serait beau d'une tasse. Ça tient bien par une poignée. J'ai quelque chose ici, là. Ouais? 15 objets plus sales que les toilettes. 15 objets plus sales. Oh! Mon Dieu, ça fait un flusher. C'était long, ça, en effet, là. Ah, il est... donc 15 objets plus sales que les toilettes. C'est comme overkill, un peu. Ouais, on s'excuse pour ça. Les sacs à main. On leur fera plus. Les sacs à main, c'est plus sale que les toilettes? Apparemment. OK. Les rampes de bus et de métro, ça, on aurait pu s'en douter. Tout le monde met sa main là-dessus. Les couvre-lits dans les hôtels. OK. C'est dégueulasse. Pas très cool, ça. Non, pas très cool. J'ai déjà travaillé dans un hôtel, j'ai déjà fait des affaires pas très cool. Ah ouais, on en reparlera. On en reparlera. Un écran de smartphone. On n'y pense pas, là, mais... Ah ouais. Non. Quoi que c'est... Mais ben, ça va être ça, mais c'est tes bactéries. C'est tes bactéries. C'est toi qui y touches, en principe. Tout le monde ne touche pas à ton sel. Moi, c'est très généreux. Ouais. Les claviers d'un ordinateur. Ben, encore là. Ben, chez IKEA aussi, là. Ah ben, ouais, quand tu fais une recherche, là, ou dans une bibliothèque. Un truc, un clavier public, là, ouais, c'est ça. Ah, un très bon, là, que j'avais même pas pensé. Les pavés numériques d'un distributeur de billets. Ouais. Très, très, très clair. Distributeur de billets, c'est clairement un article français, ça. Distributeur de billets, ça, c'est un guichet automatique. C'est un guichet automatique, qu'on appelle. Plus communément appelé ATM. Un téléphone de bureau. Ouais. La carte d'un menu de restaurant. Ouais. Surtout s'ils viennent des toilettes, justement, puis ils prennent. Ils se lavent pas les mains. Ouais. La poignée de robinet d'une cuisine. Ah ouais. Ça me surprend, par exemple. Bah, tu sais, je te dis pas que mes informations sont 100% véridiques. Ça, c'est-tu dans l'ordre ou... Non, c'est juste 15 objets. OK, okay. C'est pas un top. 15. OK. Les appareils dans une salle de gymnase, dans un gym, oui, comme il oui, m'a clairement. Ça doit être assez... Les dumbbells. Assez dirt, là. Parce que ben, le monde en plus sue, ouais, c'est ça. Les balançoires dans un parc. Mm-hmm. Probablement les chaînes des balançoires, puis tout ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Les poignées, c'est balançoires... comment ça s'appelle les balances là, comme là, c'est une balançoire là, que tu swings, t'es assis comme à cheval là, puis là tu swings en haut. Ah en ouais, bas, ah, là, l'affaire rouge et blanc là, que tu lèves d'un bord puis de l'autre là. Ben rouge et blanc là, j'en ai déjà vu des jaunes là, mais dans mon quartier là, quand j'étais jeune là, à Pointe-Saint-Charles, c'était rouge et blanc. Mais là on avait deux astis de colons qui savent pas c'est quoi cette balançoire là. C'est pour ça qu'on va passer au prochain point. Ouais, vas-y donc. Les ouais. Lunettes 3D au cinéma. Mais là, ça, j'en doute un peu parce qu'il est là, je pense. Mais les lunettes 3D sont dans des petits sacs. Là, je ouais, veux dire, ben c'est ça. C'est pour ça que ça, j'en doute un peu. Puis souvent, il y a du monde qui repartent avec. Hey, c'est une neuve que t'as. Là. Chris, les brosses à dents, il y a ça sur ma liste. Là. Ok, ben tabarnak, tu l'as mis ou ta brosse à dents? Tu l'avais à bol avec. C'est ça. C'est justement pour ça qu'elle est plus sale que ta toilette. Tu l'as lavé à bol. La télécommande. Encore là, ouais, ok, mais c'est des affaires que tu utilises. C'est plus chez vous, c'est pas en public. Dernier point, le frige d'air. Parce que le froid ne chasse pas les microbes. Oui, ça c'est vrai par contre. Fait que les frige d'air peuvent être très sales. Mais moi j'avais déjà lu de quoi là-dessus, puis c'était placé en ordre. Ok. Puis il disait que ce qui était plus dégueulasse qu'une toilette, puis la raison pourquoi une toilette c'est pas si dégueulasse que ça dans le fond, ben, que oui c'est dégueulasse, mais je veux dire que c'est pas ce qu'il y a de plus dégueu, c'est que c'est lavé très fréquemment. Ouais. La plupart du temps, du moins. T'espères que oui, c'est ouais. Peut-être dans un bar là, miteux, non, là, mais ou un restaurant miteux. Là. En principe, une toilette publique va être nettoyée minimum 2-3 fois par jour. Là, fait que moi, j'avais lu que les poignées sur les chariots, là, les carrosses dans un dans les épiceries, ah ouais, ça a l'air que ça, c'est bourré de bactéries. Mais tout ce que tu touches quasiment, dans le fond, là, c'est ouais. À la limite. Là, ouais, c'est ça. Tout ce que tu... T'sais, ils disent les guichets automatiques, mais n'importe quel terminal interact quand tu vas ouais. à l'épicerie ou ailleurs, ou au resto, peu importe. Là. J'imagine jusqu'à où ça peut aller. Ça fait peur, ça. C'est dégueulasse quand tu te mets à penser à ça. Ouais, tu te dis que t'es mieux de... T'es puis mieux là, t'arrives chez vous. De pogner dans la bolle de toilette dans tes bras puis la serrer comme ça que de prendre, mettons, je sais pas, une brosse à dents. Là. Hein? The fuck? T'arrives chez vous puis t'as les acariens à ton lit. Puis, ça finit plus quand tu fais ça. Aïe, aïe, aïe. Parlant de choses qui sont très sales. Aïe. Que dirais-tu d'un café fait à partir d'excréments d'éléphant? Non, merci. Non? Ils ont fait ça. Il y avait un autre animal qui faisait ça avant. Dans le fond, c'est l'ivoire noir qu'il appelle. Okay. Ça se vend 1 100 $ le kilo ou 25 $ la tasse. C'est de la merde. C'est des graines de café qui sont ingérées par les éléphants et qui sont non processées par son estomac et sont ensuite chiées, récoltées à la main et nettoyées et infusées en café. Ça okay, vaut cher. Je vais dire ceci. Wesh. Ça a l'air que ce qui se passe dans l'estomac d'un éléphant, ça fait une transformation chimique sur la graine de café. C'est ce qui fait que le café est aussi bon et aussi rare. Et coûte aussi cher que ça. Puis là, c'est combien que ça coûte, tu dis? C'était 25$ la tasse, si tu peux trouver une place qui en font, ou à peu près 1 100 $ le kilo. À New York, tu peux avoir le kilo pour 750 pour un très gros rabais de ce que j'ai lu sur Internet. Mm. C'est pour ceux qui veulent s'en mais procurer. On veut tous s'en procurer. Évidemment. J'ai vu aussi cette semaine la compagnie Eaton, pas Eaton, mais Eaton. Eaton. Ils ont sorti une affaire qui s'appelle le Boostline, qui est un chargeur de smartphone à bras, à manivelle. OK. Si t'es rapide, je pense qu'en une minute de manivelle, tu peux avoir une affaire comme 10 secondes de charge. Là, fait que pour ceux qui ont le bras fort puis qui mangent des épinards puis qui ont un avant-bras comme Popeye, le Boostline est pour vous. Hey, ça a l'air pratique ton histoire. Ça a l'air le fun. Achète-toi surtout pas une batterie de rechange ou quelque chose. Achète-toi un Boostline. Achète-toi un Boostline. Ça, c'est efficace. T'as besoin de ça. Check. Mm. Hey, on se passe un pool. Un pool? Un pool pour le bye-bye. Le quoi? Tu sais, le bye-bye cette année. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Quel politicien va être interprété en faisant le Gunman Style? Est-ce qu'on peut s'entendre définitivement que le Gunman Style va être utilisé dans un gag politique cette année comme ils font? Probablement. À chaque année qu'ils reprennent un gag politique qu'ils vont mettre avec une toune populaire de l'année. Ouais, ouais. Alors, on va sûrement avoir Pauline qui va danser le Gunman Style là, ou Dean Coderre ou quelque chose. C'est-tu que c'est bon ça? Mais j'avais vu me passer un ouais, pot que... Qu'est-ce qui va être parodié au bye-bye cette année? Puis... Ouais, tu peux faire ça. Hey, partez-vous des pots. Hey, on... Le pot de la jasette du bye-bye. Hein? Ouais. Le pot de la jasette du bye-bye. On aurait ça une page web là-dessus, puis un pot, puis le monde va bider sur des affaires. Là, je sais pas trop. Nice. Là. Le pot de la jasette du bye-bye. Faisons ça. Mais je dis ça, puis c'est pas pour basher le bye-bye, j'adore le bye-bye. Non, non, non, le bye-bye, c'est super bon, là. C'est pour savoir, parce qu'on sait, de toute façon, tu peux déjà savoir de quoi ils vont parler beaucoup, là. Ah, ben, les manifs, Jean Charest. Ils vont parler, Pauline. Oh, ouais, Jean Charest, Pauline Marois, ça va être là-dedans. Tu sais qu'ils vont parler du lockout, probablement du hockey. Ils vont parler de la corruption dans la construction. Ah, oh, ouais, ils vont venir sur Marilyn Thibault puis Guillaume Wagner, peut-être. Probablement. Tout ce qui est des gros sujets. Ah, ils vont venir sur le côté glamour de l'allaitement. J'espère qu'ils vont le faire. Ouais. On avait non mais j'enchaînais là, c'était comme un c'était mon air d'aller. Je prenais un élan, ouais. Pat Silverwolf. Ouais. Encore lui, il veut savoir quelque chose cette semaine. OK. Vu qu'on vit dans un monde de plus en plus sexué. OK. Est-ce qu'on a peur pour les générations futures? Genre nos enfants plus tard là. Ben j'ai pas encore d'enfants, j'en veux. Probablement. Mais. Mais mettons, oui, on pense oui. Là, à notre chum Alex qui ouais. Chroniqueur avec nous ici, qui va avoir un enfant probablement la semaine prochaine, dans 2 semaines. Là. Ouais. Lui, est-ce qu'il est inquiet, tu penses? Lui, il a une petite fille en plus. Là. Ben, c'est sûr. Lui, en étant rôle de papa d'une petite fille, il sait qu'il va avoir plein de quéquettes à surveiller. Au moins, quand t'as un gars, tu sais que t'as juste la sienne à surveiller. C'est t'sais. Ça, t'as la sienne à surveiller, puis des tas de whores, genre. Mais tu sais, le fait que les vêtements sont de plus en plus sexy, puis tout, est-ce que vraiment les jeunes sont si plus sexués que ça? C'est parce que ça s'arrête pas là, le problème. C'est que tout est plus sexué. Les jeunes, man, couchent tellement tôt, man, à cette heure-là. C'est incroyable. C'est-tu parce qu'ils ont tellement accès à tout avec l'Internet facilement? Tout est trop facile, je pense, ouais. T'sais, ils vont bloquer les... Tout est trop facile, puis tout est un peu banalisé. Je vais reprendre de quoi... Tu sais, quand un jeune... Mettons, un jeune de genre 15 ans a fait genre... fait un trip à 3, j'ai couché avec genre une dizaine de filles différentes... C'est comme lui, il a vu tous les films de cul qui existent sur Internet, tout le style d'affaires qui se passe dans les phénomènes de la porn, puis il trouve ça banal. Là, tu sais, je veux dire, parce que Chris, plus tard, là, mais que tu vives avec une personne, là, tu vas être blasé en hostie, man. C'est débile. Ça. Le problème, je pense que c'est un peu ça, c'est que ces gens-là sont blasés plus jeunes. Là. Rapidement, ouais, ben, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire... En plus, les modèles qu'ils vont trouver étant jeunes, s'ils vont regarder ça sur le net ou des films de cul, c'est pas la vraie vie, là. Ça se passe pas de même. Là. Non, c'est ça. Parce que ça peut être hard, là, un film. Là. Puis le jeune va trouver ça que c'est normal. Puis la fille va trouver que c'est normal aussi parce qu'elle avait un affaire. La fille, là, le film que la fille, elle se fait genre défoncer solide, là, puis qu'elle broille, là, c'est un petit peu bizarre, là, tu sais, je veux dire... Ouais. Si t'écoutes ça, là, pis que genre, tu trouves que c'est normal. Mais tu sais, c'est ça. Pis tu vois ça avec un regard de jeune qui se détache pas vraiment. Puis j'imagine que c'est dur de protéger les enfants parce que tu peux protéger ce que tu vas voir chez vous, ce que toi, tu permets ton enfant de regarder ou d'accéder, mais en dehors de chez vous, là, il peut accéder à n'importe quoi. Ah, il y a n'importe quoi. C'est comme un peu comme les films, là. Je reprends le coup. Les jeunes, en plus, ont tous des cellulaires super jeunes. Ben c'est ça, tu peux avoir de la porn sur ton sel, quasiment. Tant que t'es sur un réseau Wi-Fi, ils peuvent pas bloquer rien. Ben, c'est ça, là. Puis c'est pour reprendre un peu ce que Kevin Smith dit. Le monde se bat pour les ratings au cinéma pour « Ah, montre pas un film tel âge pour les enfants. C'est trop violent. 16 ans et plus, mettez ça 18 ans et plus. » Mais Chris, l'enfant, après ça, peut aller voir un cheval défoncer un gars là, sur Internet. Là, ouais, c'est ça. Avec sa graine. T'sais, c'est dégueulasse. Ouais. Là. Fait, c'est assez répugnant. C'est comme c'est bizarre. Puis je... Est-ce que j'ai peur pour les générations futures? Pas nécessairement. J'ai envie peut-être les petits gars là, qui sont 12-13 ans qui auront pas eu. Qui vont avoir une chance que moi j'aurais pas eu. Là. Mais ça s'arrête là, tu sais. Quand ça va tomber à mes enfants, je vais avoir un discours complètement différent. Complètement différent. Faites pas ça! Non, faites pas ça. C'est ce qu'il y en a. Moi je pense que. Ben, je vais rester un peu là-dedans. Mais tu sais, vu que tout est cyclique, est-ce qu'on va revenir à quelque chose de plus prude éventuellement? On va-tu sortir de l'hypersexualisation pour revenir à. Ben, oui, je pense. Parce qu'on va atteindre une limite à un moment donné. Parce que. On est en train, je dis pas qu'on est rendu là, mais on revient un peu dans le temps des Romains et toute la quête où il y avait des orgies, puis que ça fourrait partout, puis que le monde se promenait à moitié à poil. Asti, si on continue, on va s'enligner vers de quoi du genre, puis ça a comme viré à un moment donné. On est comme, ouais. Tu sais, je veux dire, dans le temps des Romains puis toute la quête, c'était vraiment comme normal, puis tu sais, ça fourrait d'un bord puis de l'autre, mon gars, pas de problème de ce côté-là. Ouais. Ça a comme changé là, avec l'évolution de l'homme, ça a changé. Puis plus ça évolue, plus ça revient à, justement, à la sexualisation de tout, là. Fait que je pense que, oui, le retour pourrait se faire, là. Le retour du balancier. Ouais. Ben, je vais rester un peu dans... Ouais, vas-y. Dans le... Un sujet? Le sexe. Vas-y donc. Tu restes dans le sexe? Un petit peu dans le sexe, hein. On ouvre la braguette. Qu'est-ce que c'est un abus, juste ça, là? Ouverture de la braguette. C'est comme une ouverture de parenthèse. C'est pas une bonne idée, les sans-effets. Faut pas que je laisse ça devant moi. Fait que la braguette est ouverte. Et savais-tu que j'ai vu ça sur... savais-tu? Je sais pas si c'est scientifique ou quoi, là. Mais je suis une affaire sur Twitter qui s'appelle @hornyfacts. Ouais, je pense que je les suis, moi aussi. OK. Il y a un c'est des sex facts, dans le fond. Il y a des affaires qui sont quand même drôles, puis il y a des affaires qui sont vraiment fuckées. Puis il y a des affaires comme ça qui sont vraiment comme... Quoi? OK. Ça aurait de l'air que 10% des gens qui textent durant le sexe. Quoi? C'est ce que je disais. Est-ce qu'ils textent leur partenaire au moins ou? Pas au moins. Ils textent leur partenaire, il manque de proximité. Là. Ce qui se passe entre deux personnes, ça les concerne, là. Tu sais, j'ai quoi, là, t'es en train de fourrer, là, pis là, tu textes ta blonde, tu lui dis... Pis c'est bon? T'aimes-tu ça, ma tabarnak? Pourquoi faut-tu vulgaire de même, là? Ben, parce que par un texte, ça passe mieux. Ou il check-in c'est sur pas... genre « I just had sex », je sais pas quoi, là. Non, mais hey, tu textes pendant le sexe, là. C'est ridicule, là. T'es bored à ce point-là, tu t'ennuies à ce point-là. Ouais, c'est ça, c'est-tu si plate ta relation. Mettons, je sais pas, t'es doggy style, là, tu ramasses ton cellulaire, là, t'es dans le gros acte, là. Là, puis tu réponds à un texte que t'as reçu. T'envoies un contrat, tu signes un PDF, quelque chose. Il me semble que ça a comme pas de sens, là. Moi, je m'excuse, là, mais non, texte. Ben, à moins que la fille soit en train d'envoyer un email sur son laptop pendant ce temps-là. Là, c'est, OK, là, tu sais, c'est du multitasking. Ouais, mais attends, en même temps, là. Si la fille est en train d'envoyer un email sur son ordi, ça se peut qu'elle était en... Tu sais, il y a des chances que la relation a commencé quand elle était déjà en train d'envoyer un email. Puis là, mettons... Ah, ils se parlent pas, ça se fait, mais personne ne communique. Toi, t'as comme dit, mettons, ah ouais, je vais la déconcentrer, t'as commencé à... Puis ça a continué, puis elle a continué. Ou genre, tu sais, mettons, t'arrêtes de faire sucer par ta blonde, tu réponds au téléphone, tu sais. Mais tu sais, envoyer un texte, man, c'est comme, t'as besoin de concentration quand même. Faut là, que tu tapes d'excité, qu'il y ait tactile. T'as besoin de tes deux mains, puis crème, quand t'arrêtes de fourrer. Ton clavier. Tes mains te servent à quoi? Ah oui, puis ton clavier doit être tout beurré. Ouais. Ton écran tactile doit être tout gommant. Hein? Plein de jus. Oh, ça m'écoeure. Plein de jus d'affaires, là. Des fluides, puis tout. Des fluides. Hey, c'est débile. Fait que. Toi, Jeff? Non. Fais-tu partie du 10% qui texte en fourrant? Hein? Moi, mon téléphone est même pas dans ma chambre à coucher quand je me couche. Are you texting during sex? No. No. Moi non plus. Non? J'ai jamais fait ça. Je veux dire, ça va aller après. Ou... Toi, anyway, ça fait pas longtemps que tu réponds à tes messages textes. Que... Non, non. Parce qu'avant, j'avais un cellulaire de merde. T'avais un HTC. J'avais un HTC Touch. Disons-le. Un premier cellulaire Touch sur Windows. Mobile 6.1. Oh, c'était pas une bonne idée, ça. Hé, t'as de la merde. Eh boy. Ouais. Fait que, non, moi, texter en baisant, là, c'est... C'est je weird, pas, ça, c'est ça bizarre. Ça n'a pas rapport, là. Ben, je comprends pas, là. Non, je trouve que... C'est quasiment... C'est un manque de respect, à la limite, là. Ben oui, Chris. Là. Carrément, là, c'est comme... Fais bien des jokes, mais ça arriverait, je serais comme, hey, what the fuck, là. Hey, c'est sérieux, là, t'as vraiment un problème de dépendance à ton cellulaire pour répondre à un texte ou texter quelqu'un pendant que t'arrêtes de baiser, là. C'est comme, tu joues-tu Angry Birds sur ton iPad pendant que tu fous? Ouais, c'est ça, tu sais. Je veux dire, c'est pas parce que, je sais pas, moi, je dis à ma blonde, baisse tes culottes pendant que j'écoute une game de hockey. C'est pas pareil, tu sais. Ouais, c'est du divertissement, ça. Ça, c'est pour le plaisir des yeux. C'est juste pas manquer un but. Ouais, c'est ça. C'est pour scorer en même temps que le Canadien. Oh! Ah, si j'avais mon son de drum, je l'aurais mis. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, mesdames et messieurs, textez-vous pendant le sexe. Si oui, ben vous êtes un dépravé. Il devrait être aussi illégal que de texter au volant, ça. Pour des conséquences identiques. Ouais, ça peut être dangereux. As-tu autre chose pour la zone tampon? Moi, j'ai un petit dernier sujet à la fin là, que je vais garder. Là. Ouais, ben j'ai un petit quelque chose que je voudrais parler. Puis ouais, j'aimerais qu'on finisse avec quelque chose aussi. Ouais, je pense à la même affaire que moi. Donc, finis donc ton dernier petit point. Ben, c'est un sujet que je pense Pat nous a envoyé encore. As-tu vu ça? C'est un article. Ça a l'air qu'il y aurait un hacker qui aurait piraté un pacemaker. Ouais, j'ai vu ça passer. Je ne l'ai pas regardé l'article. Mais... Fait que Burnaby Jack, un expert en sécurité informatique, a fait une démonstration inquiétante pendant un congrès Breakpoint 2012. Tu peux te faire hacker ton pacemaker. Ouais. Il a démontré que c'était possible de pirater un stimulateur cardiaque à distance. Donc, peur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a installé, il a installé à environ une dizaine de mètres de l'appareil avec un ordinateur portable, tout simplement. Il a réussi à envoyer plusieurs décharges de 830 volts. Calvaire. Ce qui aurait été, si ça avait été sur un humain, là, qui aurait provoqué carrément une crise cardiaque. OK, il a pas fait ça sur quelqu'un. Non, non, non. Okay. Non, non, c'était une démonstration de ce que tu pouvais faire. Fait qu'ils ont montré que c'était possible. Puis il a expliqué que pour être parvenu à se procurer des données confidentielles des porteurs de stimulateurs cardiaques distribués par une grande marque, puis c'était vraiment une marque connue, fait que c'est possible de le faire sur des... Facilement. Facilement. Puis, oh, mais t'sais, on s'entend... Il a carrément implanté un logiciel corrompu. Puis, bang, il avait accès. On s'entend que tout est hackable présentement. N'importe quoi peut se faire pirater. Mais justement, il y a un fournisseur d'antivirus qui a déclaré par rapport... Je ne sais pas si c'était par rapport à ça, mais qui a déclaré aussi en relation avec ça, dans un communiqué, que le risque de cyberattaque contre des appareils médicaux, genre pacemaker, défibrillateur, pompe à insuline, était en hausse. Mais voyons donc. Ouais. Ça n'a comme aucun impact de faire ça. Pourquoi tu ferais ça? C'est complètement fou. Ben, c'est tué à distance, là. Ben, carrément, ouais. Ah, ouais. Puis c'est tué. Puis je veux dire, rendu là. Hey, les attaques informatiques, des fois, ils ont de la misère à trouver c'est qui. Puis je veux dire. Imagine, là, tu tues quelqu'un. Ça se peut que tu ne sois jamais retrouvé. Là, tu as tué quelqu'un en hackant son système de. Donc, on espère que Stanley est bien à l'abri avec son nouveau pacemaker. Ouais. S'il vous plaît. Il peut faire encore une couple d'années de bande dessinée. Ouais, c'est ça. Ben, une couple d'années, il est quand même rendu à 90, le bonhomme. Tough, c'était cœur. C'est le vrai Iron Man. Il t'offre la run. Pour conclure cette belle zone tampon, est-ce qu'il y a encore un peu de liquide à absorber dans cette zone tampon, Dave, tu penses? Ah ouais, ça coule encore. Ça coule encore. On va finir sur un sujet. On peut mettre une maxi avec des ailes. Là, c'est l'Halloween cette semaine. Oui! Finissons là-dessus. Finissons sur l'Halloween. J'étais allé dans un party d'Halloween hier. Ouais. On était déguisé. C'était un design. Pas un design, mais une idée de un thème. Un thème de groupe qu'on s'était comme mis une petite gang ensemble qu'on a décidé de faire le thème ensemble. Ouais. On était déguisé en gang de rue, dans le fond. C'était pas un. Phew, t'as pas dit en gangman style. Non. On était déguisé en gang de rue. C'était pas le déguisement le plus original, mais on a quand même réussi à avoir l'air assez déguisé. Ouais. Moi, je me suis trouvé au Village des Valeurs, probablement les pantalons les plus larges que t'auras jamais vu de ta vie. Tellement baggy, là, c'est incroyable. Je m'y ai mis le plus bas que je pouvais, attaché avec une bonne ceinture. C'était des 38. puis sérieusement, là, ils fitaient quand même pas si lousse que ça, ben, parce qu'ils étaient au niveau des fesses. Ouais. Fait que, tu sais, veux pas, c'est plus large un peu. Fait que j'étais déguisé, j'avais un beau bandeau, une belle camisole, des tatous dans le cou, puis nice. Plein d'affaires de même. Là. Puis on avait des filles, nous autres, qui étaient déguisés en pute, là, genre quasiment. Gang de rue. Là. Oh, un beau gang de rue couillon. Là. Notre acolyte Martin était déguisé en genre de chulo, là, un peu là, en genre de gang de rue, mais latino, là, un peu. Là, avec classique. Une chemise attachée en haut. La chemise attachée au col, mais juste mais ouverte. Puis une camisole blanche en dessous, puis des shorts, mais avec des bas crinqués jusqu'aux genoux qui rentrent en dessous des shorts. C'était excellent, ça. C'était merveilleux. On était évidemment pas les costumes les plus originaux, mais tu sais, on avait le look de la gang. Au moins, vous fuitiez. On avait des pétards, des guns à pétards, man. Oh. Puis j'avais pas tiré un gun à pétard depuis des années. C'est le fun. Chris, j'aime ça. Ça fait du bruit, puis un petit peu de boucan. Ça sent bon. Ah. L'odeur du pétard, quand ça pète, ça sent comme la poudre, là, je sais pas quoi, la... Ben, dans le fond, t'es un gang de rue dans l'âme. Ouais. J'aimais l'odeur. Je trouvais que ça sentait bon. C'est malade, ça. Puis, mais je voulais dire aussi que... Ouais. Ben, au party où j'étais allé hier, c'était un party plus du monde rock and roll. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de... Je dirais de costumes de slutty... Slutty nurse. Slutty outfit, là. Ouais. Parce que il y avait une madame, genre de MILF, de genre 40 ans peut-être, là, qui était habillée en genre de femme chat sexy. Mais tu sais, c'était quand même sexy. Michelle Pfeiffer. Mais c'était sexy, genre, comme avec quand même de la classe, là, tu sais. Pas dominatrice, là, Michelle Pfeiffer Star. Non, c'est ça, là, tu sais. C'était sexy avec la classe, mais tu sais, il n'y en avait pas tant que ça. C'était plus des. Les filles étaient plus comme habillées en zombies ou en mort-vivant. Ah, oh, mais là, c'est la grosse mode, là. Cette fait année, que les zombies. C'était pas. Puis c'était pas des slutty mort-vivants, là. C'était pas. Ça doit être slutty mort-vivant, là. Ben, c'est ça l'affaire, là. C'est que si toutes les hosties de costumes à Star, c'est ça la mode. Les filles sortent d'un bar. Puis, le but, c'est d'être la plus slutty. Fait que là, à cette heure, t'as des slutty nurses, des slutty cops, des slutty morts-vivantes. Ouais, mais en même temps, là, regarde. Des slutty toutes. T'es-tu surpris parce que dans toutes les autres journées fait de l'année... Fait qu'on vient à la sexualisation de tout. Mais dans toutes les autres jours de l'année, sont juste qui est la plus slutty. Enlève le costume, c'est ça, là. Ouais, puis là, ils veulent trouver le slutty, le costume le plus slutty qu'ils peuvent, là. C'est carrément ça, puis c'est tellement poche. C'est le fun en même temps. Alors, oui, ça peut être cool. C'est le fun pour les yeux. Bon. On se le cachera pas. Hein? Je veux dire, il n'y a pas personne qui va se plaindre en disant « As-tu vu la crise de salope? » Ben, en fait, il y en a qui vont le dire, mais en réalité, dans leur tête, ça va être comme « Qu'est-ce que je ferais pas, moi? » Tu sais, je veux dire, c'est pas désagréable pour les yeux. Je trouve ça ridicule quand même, dans le sens que je veux dire, il n'y en aurait pas, puis je capoterais pas. Là. Je serais pas comme « Oh, il n'y a pas de slot cette année à l'Halloween! » C'est un peu weird comme discours, ça. Tu sais, je veux dire, tu te déguises en Minnie Mouse, tu te déguises en slutty Minnie Mouse. Ah, t'as pas le choix. C'est slutty, genre Schtroumpfette, là, carrément, là. Tout le temps, là, tout est slutty. Si t'es une fille, puis t'es déguisée, puis t'es pas slut, t'es pas déguisé. t'as manqué le bateau. C'est quoi ton costume? T'sais? T'es pas déguisé. Puis le pire, c'est que c'est eux autres qui ont l'air le moins déguisés souvent. Là. Ouais. Tu sais, les slots, là, sont vraiment... Ils ont plus l'air slot que déguisé, finalement. Ton costume, là, le prix d'un sex shop, toi. C'est comme... C'est parce que t'étais supposé le garder à la maison. T'sais, pour ton chum. C'était pour après le party. Puis ça, c'est... Il n'y a pas ça d'un gars. Les gars, eux autres, vont plus faire, mettons, ouais, justement, à quel douchebag. On peut être slutty, les gars, tu vas te faire quoi? On peut pas être slutty, un gars. Comme quelque chose que j'ai déjà entendu, un décolleté de couilles, c'est quoi? C'est... Comment tu veux être slutty pour un gars? Ouais, c'est ça. C'est bon, quoi, la craque de fesses, le plombier, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Un décolleté jusqu'au début de l'arrêt. Un v-neck avec le poil qui sort? Ouais, c'est ça. Non, tu peux pas. Mais en même temps, c'est bien comme ça. Moi, je voulais parler de la maison hantée qui m'a fait le plus freaky étant jeune dans mon quartier. Ok. Sur la rue Rosaire-Circé à la Prairie. Moi, juste une petite parenthèse. Ouais, vas-y, vas-y. Ça a toujours été un rêve de jeunesse, là. De jeunesse, je dirais d'ado plus. J'ai tout aimé un peu des affaires gore puis dégueulasses, ouais, ouais, puis des affaires comme ça. Puis je suis pas un fan de films d'horreur. Je trouve que les films d'horreur, c'est tellement mauvais la plupart du temps parce que c'est pas bien fait. Ben, c'est pas réaliste, mettons. J'ai tout le temps eu le rêve d'avoir un jour une maison ou un espace assez grand pour pouvoir accéder de l'extérieur. Ouais. Puis faire rentrer les jeunes dans ma maison ou dans une partie de ma cour pour faire une maison hantée, c'est justement. C'est exactement ça que je voulais parler. OK. C'était justement à la Prairie quand j'étais très jeune. J'ai comme gâché ton punch. Non, non, mais c'est ça. C'est que la personne te faisait rentrer en dedans. C'est ça. Mais il a décoré sa maison à ouais, lui. Ouais, mais là, tu rentrais puis c'était comme ouvert en dedans, mettons. Là. Ouais. Puis dans le fond, t'avais un cercueil. Ouais. Puis il y avait des stroboscopes, fait que tout flashait, puis c'était épeurant au bout. Puis je te jure, c'était freakant au bout. T'avançais, là, puis il y avait des affaires fucked up. Puis c'était comme un vampire qui ouvrait le cercueil puis qui te donnait tes bonbons. Mais man, j'ai failli chier en mes culottes quand j'étais jeune. Là. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a sûrement des jeunes qui rentrent pas, là. Ah, ben moi, j'étais hyper peureux. Quand... Même plus jeune, c'était épouvantable. Mais quand j'étais peureux, genre, j'allais même pas dans la maison hantée de l'école, dans le gymnase, là, quand j'étais jeune. Ben j'avais trop peur. Là. Ah ouais. Mais là, j'étais allé seul, là, puis je n'ai fait des cauchemars, là. C'était épouvantable. Moi, j'ai déjà participé à la maison hantée de l'école. Ah ouais? Ouais. C'est cool. J'avais fait un personnage qui était une tête. Qui était comme sur une table de cuisine, mettons. Ouais, ouais. Puis j'avais une assiette autour du cou. Nice. Puis j'étais comme tout... j'étais dégueulasse, mais pour le temps. Là, j'étais au primaire, je pense. Je sais pas, je ne trouve pas me faire peur, moi. C'est pas... Ben, je trouve pas me faire peur. Moi, j'aime les affaires... J'aime pas faire des sauts. Non, faire des sauts, ça fait chier. Mais je suis pas quelqu'un de nerveux. Je fais pas des sauts si facilement. C'est rare que je fais un saut dans un film. Sauf s'il est vraiment bien préparé. Ouais, ouais. Mais moi non plus, je ne serais pas faire des sauts. Je trouve ça fatigant pour rien. J'aime mieux les affaires gore tant qu'à ça. Tu sais, comme, je sais pas moi, genre quelqu'un qui se fait genre ouvrir le ventre puis qui se fait genre choquer avec les intestins. Là, t'sais, je veux dire, c'est dégueulasse, mais ça me dérange pas. T'sais. Un peu comme dans le film de zombie nazi que j'ai vu à Fantasy il y a 2 ans, ouais, avec Dead Snow. Hein. Ouais. À un moment donné, le gars, il ouvre un zombie puis il tombe en bas d'un précipice, je sais pas quoi, mais il se tient comme avec une corde, mais c'est les intestins du zombie. Ouais, ben c'est ça, des affaires de même gore, je trouve ça cool. Mais moi, c'est ça que je voudrais faire, une maison hantée. Là, t'sais, gore dégueulasse. T'achètes du sang, pas du sang de bœuf, mais des cœurs de bœuf. Ah, oh, des parties. Là. Des parties vraiment de la viande, là, de la chair et toute la kit pour que ce soit vraiment dégueu, puis tu mets du faux sang. Puis tu sais, on a fait des short movies, des trucs de même. On a acheté de l'équipement de maquillage puis toute la kit pour faire des make-up genre vraiment dégueu puis tout. Puis on sait comment. On a une recette de faux sang qui est assez bulletproof. Assez bonne. Là. Je me vois tellement faire un setup de fou là pour faire vraiment une maison hantée que... Dans un garage, là, mettons. Là. Genre... Puis tu sais que tu le sais très bien qu'il y en a des enfants qui rentreront pas. Puis t'as un plan B pour ces jeunes-là que à côté de la maison, tu peux passer par un petit chemin puis ça t'amène à la sortie puis c'est là que tu peux ramasser tes bonbons, mettons. Là, c'est sûr que tu fais un plan B comme ça. Sauf que je ferais vraiment un setup fou, là. Tu sais, vraiment avec des make-up puis du monde qui m'aiderait à participer. Pis... Mais le monde qui font ça, bravo. Je leur donnerais même pas de bonbons. Quand je veux de la merde. Tu sais, il y a une pomme. Il y a une lame de rose white dedans. Ta pomme. Ah, bravo, le monde qui font ça, c'est bien du temps et bien d'énergie. Ouais, mais il y en a qui décorent leur maison de façon assez, moi, cette assez année, surprenante. Mon condo, je suis dans un secteur de Longueuil, il y a beaucoup de jeunes, alors tu peux croire que je vais aller manger au resto et que mes lumières seront fermées cet Halloween. C'est clair que tu fermes tes lumières. Ça, c'est la meilleure façon de ne pas te faire déranger. Ouais. Moi, je suis pas payé, chez nous, c'est un appart, fait qu'il n'y a pas beaucoup de risques de gens qui viennent parce que c'est une porte commune en bas avec une sonnette. Non, ils viennent moins les apparts. Il y a moins de chances qu'ils viennent. Puis quand ça arrive, ben, je réponds juste pas. Là. Mais fait que c'est pas nous autres que vous allez avoir des bonbons cette année. Non, moi, les bonbons, je les achète puis je les garde pour moi. Ouais, moi aussi, je vais aller probablement le 31. Le 1er novembre, je vais me pogner le plus de roquettes que je peux me pogner. Rabais. Des bons caramels. Je vais faire une overdose de sucre. Caramel mou puis des petites barres de chocolat Hershey. Un caramel mou. Un petit caramel mou. Ah, hey, ben, Jeff. Ouais. Tes costumes que t'as vus les plus impressionnants, toi. Cette année? Ou que t'as fait. Les costumes que t'as eu, toi, que t'as le costume le plus mauvais que j'ai eu, c'est un costume que j'ai emprunté à ma mère une année après, qui était un gros M&M jaune. Okay. Qui était juste genre une grosse boule jaune. Fait que c'était un M&M. C'est-tu marqué M dessus? Ouais, c'est un gros M. Ouais. Impressionnant. Je veux dire, j'ai pas eu de gros costumes super impressionnants. Tu m'as déjà fait une plaie dans le cou ouverte. Je pense que c'est l'affaire la plus haute que j'ai jamais eu, ça. C'est comme si j'avais eu un coup de couteau dans la gorge, là. Ben moi, j'ai changé... Ouais, ça, c'était pas pire. Ça, c'était hot, là. Moi, j'ai changé mon avatar sur Twitter. Ouais. J'ai mis une photo que j'avais prise en 2008, je pense. C'est un make-up que je m'étais fait moi-même. De face maganée, là. Un peu un genre de Two-Face. C'est que je m'étais fait la moitié de la face, genre, normale, puis la moitié de la face comme maganée, style brûlé, un peu. Zombie, mettons. Puis c'est quand même assez hot pour quelqu'un qui s'est fait ça en même pas une heure lui-même, là. Avec la cire puis des genres avec de prothèses. Avec l'équipement qu'on avait qu'on a pogné. Ouais. Puis j'ai vraiment fait des fentes comme dans la peau puis j'ai mis du sang dedans. Puis... Le latex est très bon pour faire des latex est très bon. Des coupures puis des affaires comme latex, ça. Latex puis la cire pour travailler les avec du relief, là. C'est excellent. Mais j'ai déjà fait un costume que je me rappelle. Quand j'avais à peu près 17-18 ans, j'étais allé passer l'Halloween avec un de mes petits voisins que je le gardais, mettons, je pourrais dire de même. Je jouais avec quand ses parents s'en allaient, jouer au hockey, mettons, avec. Là. C'était comme si je le gardais. Un enfant mal nourri, ça. Ouais, il était laissé à lui-même. Pauvre enfant. Non, mais c'est ça, fait que j'allais passer l'Halloween un moment donné avec eux dans le temps que... Moi, j'habitais proche de chez eux, puis on avait décidé d'aller passer l'Halloween, mais comme dans la ville, l'au bord de la rivière Richelieu, dans le fond, à Saint-Luc, dans un quartier qui avait plein de maisons, puis qu'on savait qu'on finirait avec ben des bonbons. Puis je m'étais amené une tête d'oreiller, puis elle était pleine quand je suis parti. Là. Okay. Une grosse tête d'oreiller bien remplie. Là. Je pense que j'ai eu des bonbons à m'en vomir le cœur. Puis j'avais, dans le temps, quand on était jeune, on faisait de la lutte backyard. Je m'étais fait un masque de Jason. Oui, avec des clous. Que j'avais mis des clous à l'envers. Puis j'avais rentré des gros clous. Là. C'était des clous de, je te dirais... Des clous de 6 pouces, là, tu sais. Ben, 6 pouces, je te dirais, ouais, un bon 4-5 pouces, des clous faciles. Puis c'était des gros clous. Puis mon masque était plein. Il devait avoir au-dessus d'une centaine de clous dans le masque. Ouais, je me rappelle, ce masque-là, il était très, de clous. Hein. Il était très hot, là, ce masque-là, pour vrai. Là, il était vraiment bien fait. Puis c'était un peu style Hellraiser, là, le ben, genre. C'était exactement Hellraiser, mais avec un masque de Jason. C'est ça. Puis honnêtement là, je me suis tellement fait passer de commentaires sur ce costume là, le monde trouvait ça complètement fou là. Le monde me disait genre, est-ce-tu des vrais clous? Je disais ouais, c'est pas dangereux. Ben dangereux pour qui? Ben pour pas que tu les aies dans la face. Mais c'est parce qu'ils sont à l'endos. C'est comme, tu peux pas me rentrer. Dangereux pour vous autres. C'est dangereux pour toi si je te donne un coup de tête là. C'est comme c'est un coup de boule là. Tu vas trouver bon ça fatigant. Coup de boule. Mais ouais, j'ai eu bien des commentaires sur ce suit-là. Le monde trouvait ça assez capoté. Là. Le masque, genre, tout rouge en plus que je l'avais fait. Là. Ouais. Il était tout rouge avec de la peinture, comme écaillé, puis les clous qui sortaient. Puis c'était impressionnant. Le monde avait trouvé ça cool. Sinon, bon, ben, les auditeurs, vous autres, avez-vous. Quels sont vos meilleurs costumes? On veut des photos. Y a-tu des costumes que t'as vu, toi, que t'as trouvé vraiment fou? J'ai vu un gars qui était déguisé en Rick de Walking Dead, qui était très bien fait. Il ressemblait vraiment, le gars. J'ai vu. Il y a un de nos chums sur Facebook qui s'est fait en personnage de Sin City. Ouais, en Marv. Marv, vraiment bien quand fait. Quand même assez impressionnant. Il s'est fait une genre de prothèse au menton puis sur le nez pour faire ça carré. Puis il s'est mis des genres de X là, blancs. Là, comme des plaies. Là, ouais. Super bien fait, ouais. Mais c'est ça. En général, beaucoup de zombies cette année. Beaucoup de zombies. Thématique de zombies. Beetlejuice, j'ai vu cette année. Ouais, Beetlejuice, il y a souvent des beaux costumes de Beetlejuice. C'est une bonne idée de costume. Puis c'est tout le temps des costumes de Joker, Heath Ledger style aussi depuis quelques années. Là. Ben, tous les super-héros. En plus, là, c'est comme. C'est à la mode. C'est à la mode, les super-héros. Fait que là, tout le monde comme veut avoir un costume de super-héros. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je voulais des costumes de super-héros. J'étais comme d'un seul. Oh, puis en plus, c'était sûrement des costumes cheap. Puis, comme je sais pas chez Walmart. Mais c'était ceux-là qui vendaient le moins. Ouais, c'est ça. Les costumes en plastique. Vraiment poche. Un plastron là, en plastique. Là, ah, de boy. Muscles. Ouais, plastron de muscles. Ouais. Fait que. L'Halloween. L'Halloween. T'ennuies-tu de passer l'Halloween? Je sais pas, j'ai jamais vraiment trippé sur l'Halloween tant que ça. La seule affaire que je trippais de l'Halloween, c'est les bonbons. Moi. Puis j'étais tellement un écureuil que je gardais mes bonbons comme 6 mois de temps en plus. T'es mangeais pas, genre. Ben je les mangeais, mais. T'avais peur de pas d'en manquer. C'est parce que je les voulais pour les temps durs, tu sais. T'es gardais en coquille. Malheureusement, j'ai jamais fait le transfert de ça dans ma tête vers l'argent. Fait que je le fais pas comme garder de l'argent pour les temps durs. J'étais un peu retardé, je pense, finalement. Toi, tu te gardes des bonbons. Ouais. Ben mieux. Mais bonbons, vous voulez m'offrir des bonbons, donnez-moi des roquettes. Je vais vous passer ça sur un moi, les bonbons que j'aime le plus quand les caramels aussi, j'aime bien. Ouais, les petits caramels, mais les bonbons que j'aime le plus quand je passe la loin, c'est vraiment les barres de chocolat. Ah ouais, ben c'est un maniaque de chocolat, puis les petites barres Hershey, genre. L'affaire la pire à recevoir, les... Comment t'appelles ça, les affaires de... J'ai comme un blanc, là, mais... Pas des papillons, là, mais le... C'est comme... Ah, oh, des kiss! Ah, des kiss, ouais. Des affaires super dures, là, de la... Ouais, de la tire vraiment dure, là, vraiment dure. Ouais, ah, ça, c'est pas mangeable, man. J'ai tu te pètes les dents t'en avec ça. Je sais pas s'il y en a encore tant que ça, mais avant, là, j'avais juste de ça, puis des hosties kiss, man. Pas des kiss d'Hershey, là, des petits non, chocolats. Non, pas les chocolats, vraiment, les kiss en... Ah, hier, man, j'ai mangé un chocolat. Je me suis pogné un chocolat, mais il était dans un sachet en plastique. Quand j'ai ouvert le sachet en plastique, j'étais fou, man, pas vu. Puis il faisait noir. T'as mangé le sachet? J'ai enlevé le sachet en plastique, mais c'était un genre d'œuf Cadbury, mais genre d'Halloween. OK. Vert en dedans. Moi, j'ai pogné le chocolat, j'ai défait le sachet, je me suis sacré le chocolat dans la bouche. Puis là, je commence à manger le chocolat. Man. Ah, il avec est la bon, surprise? Il est bon. Man, il y avait un papier d'aluminium sur le chocolat. J'ai mangé ce papier d'aluminium, man. T'as pas avalé? Ben, je l'ai recraché que ce que je pouvais, là. Wow. Mais genre, j'en retrouvais tout le temps, là, toute la soirée, quasiment, j'en retrouvais... Ben, pas toute la soirée, mais pendant genre une demi-heure de temps, quasiment, j'en retrouvais du papier d'aluminium pogné dans mes dents, man. Fait que le prix d'Arwin te revient pour le mois d'octobre. Là. Ben, hein, man. Donnez-moi toutes les affaires de Pulitzer, là, mon gars, là. Bon, ben, hey, tire donc... Ah, Halloween! Tire donc, ça accorde du tampon, là. Je pense que c'est absorbant. Bon, ouais, il y a plus de place, là. Ça a tout absorbé. Bon, ben, ça fait le tour de la zone tampon pour cette semaine. José. C'est tout pour l'épisode 26 de La Jazette, propulsé par Young Media. C'est, hey, c'est tout. Ouais, regarde. Et un autre bel épisode. Peut pas dire mieux. Celui-là, là, je te le donne. Non, mais c'était bien. Tu t'es vraiment pas trompé dans ton commentaire. Non, ben, c'était vraiment l'épisode 26, là. Je pense qu'on peut l'admettre. Ah, faut l'admettre. Fait qu'on espère que vous avez... On peut pas mentir là-dessus, non. C'était l'épisode 26. Ben, c'est là, on a introduit notre soundboard. On a voulu le faire passer à un certain moment, on sentait comme on leur fait ça à croire qu'on est rendu à l'épisode 29, tu sais, pour comme vous déstabiliser un peu. Ouais. Finalement, on s'est dit que... Non, on leur dit qu'on est à l'épisode 26. C'est un bon point, on pourrait finir, tu sais, commencer l'épisode 27, finir à l'épisode 30, tu sais. Un genre de gros milestone. C'est tellement big notre affaire qu'on passe 3 épisodes dans un. Ah, ouais, regarde, il n'y a pas de problème. On espère que vous avez aimé notre entrevue pour la simulation d'attaque terroriste qu'il y a eu à Montréal. Ben oui, passez-nous un commentaire là-dessus. Qu'est-ce que ouais, on veut ça... savoir si vous avez aimé ça, si vous n'avez pas aimé ça. Aimez-vous la formule. Ouais. Puis on vous invite aussi à rejoindre La Jazette sur Twitter, @LaJazette. Sur Internet directement, lajazette.ca. On est là aussi sur Facebook et sur Google+. Oui. Pour les 4-5 personnes qui sont présentes sur Google+. Puis si vous voulez nous envoyer un courriel... C'est généreux. Ouais, mais le monde qui veut aussi nous envoyer un courriel, info@lajazette.ca. Ouais. Dave, où est-ce qu'on peut te rejoindre cette semaine? Tu peux me rejoindre, moi et ma belle face zombifiée sur Twitter. Allez voir ton avatar. Ouais. On peut me retrouver à commercial MR_MiniWeed, donc Mr. MiniWeed. Puis moi, on peut retrouver @JFCromp sur Twitter également. Why? C'était Jean-François Combe. David Spadeau. Pour La Jazette. Ciao, ciao. Bon Halloween, tout le monde.